couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 40. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi participer au forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su. Le nouveau nom de domaine est le suivant, dempart.shop, S-H-O-P, dempart.shop, S-H-O-P. Nos noms de domaine sont régulièrement censurés, vous le savez. Vous pouvez éviter d'avoir à chercher le nouveau nom de domaine de deux façons. Premièrement, en réglant le problème à la base, en utilisant Tor, ce que vous pouvez faire en utilisant le navigateur Brave, ou Brave, B-R-A-V-E, gratuit de téléchargement, très simple d'utilisation, fonctionne exactement comme n'importe quel autre navigateur, Firefox ou Chrome, à la différence que il intègre le réseau Tor. En un clic, vous pouvez basculer sur une fenêtre avec votre navigateur pour vous connecter au réseau Tor. Et là, vous n'avez qu'à copier-coller dans la barre d'adresse notre adresse Tor qui est présente sur le site internet. Tout ça est expliqué sur le côté droit du site. Il y a un encart spécial pour naviguer sur Tor et pour consulter le site de cette manière-là. L'avantage, c'est que Tor est un réseau anonyme et ensuite que notre nom de domaine y est parfaitement incensurable. Donc, vous n'avez plus besoin de chercher notre nom de domaine. Il vous suffit d'utiliser le navigateur Brave, d'avoir en favori notre adresse Tor, et voilà, en deux clics, vous vous retrouvez sur le site. Voilà, et c'est incensurable, et du coup, plus de questions à se poser, et l'anonymat est garanti. Donc ça, c'est l'avantage. Sinon, est aussi mentionné sur le site le fait que nous avons un groupe de discussion gab.com. qui est bien administré et qui met à jour régulièrement le dernier nom de domaine. Donc en fait, si vous vous inscrivez au réseau social Gab, gab.com, et que vous inscrivez au groupe, à la page Démocratie Participative, eh bien vous aurez le nom de domaine qui sera mis à jour grâce aux bénévoles qui gèrent ce groupe et qu'on salue bien évidemment au passage, qui font un super travail. Et voilà, du coup, hop, vous cliquez, tiens, c'est quoi le nom de domaine? Je ne sais plus, je ne le trouve pas. Ah bah voilà, je vais sur gab.com. le groupe Démocratie Participative, vous avez le dernier nom de domaine. Voilà. Donc, de ces deux façons-là, vous êtes tranquille. Alors, évidemment, troisième option, vous avez un VPN. C'est toujours utile pour préserver votre anonymat en ligne, hein, puisque vous savez qu'il y a quand même une surveillance très solide qui est mise en place par le gouvernement français. Vous n'avez pas forcément envie de savoir, pas forcément envie que l'État sache ce que vous consultez en ligne. Auquel cas, vous trouvez un VPN et les mesures de censure du nom de domaine sont inopérantes de ce fait. Voilà, parce qu'ils passent par les fournisseurs d'accès à Internet, type Orange, SFR, etc., pour bloquer le nom de domaine. Donc, une fois que vous êtes sur VPN, vous êtes tranquille, ça ne se produit plus, ça n'a pas d'effet sur vous. Voilà. Donc, j'ai cité les trois façons. Je sais que c'est rébarbatif, mais je constate quand même, au fur et à mesure des ans, qu'il y a quand même des gens qui ne le font pas. Donc, on leur dit, on leur explique, hein, il faut faire comme ci, on leur réexplique, mais les gens, ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ne le font pas. Et quand le nom de domaine, il saute, ils nous écrivent, je ne trouve plus votre nom de domaine, vous êtes où? Alors, bon, à chaque fois, on fait notre travail de pédagogie, mais voilà. Alors, pourquoi insister à ce point? C'est parce que, comme la censure s'accroît, il y a de fortes chances qu'elle devienne plus drastique dans les années à venir. Toujours difficile de savoir quand, comment et où, mais il y a de fortes chances qu'un certain nombre de sites sautent, continuent de sauter, et ils resteront accessibles de la même façon que le site de démocratie participative reste disponible par les méthodes que j'ai citées. Voilà pour ça. Je vais présenter les membres de la semaine. Alors, je vais commencer avec Hydromel. Salut Hydromel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, ça va bien. Bonjour Jean également, et bonjour à tous les auditeurs. Est aussi avec nous Jean cette semaine. Salut Jean. Salut Gandalf, salut Hydromel, salut les auditeurs. Petite précision sur le navigateur Brave, je fais un peu de publicité supplémentaire. Il intègre, c'est déjà un navigateur qui a une base Chromium. Donc Chromium, c'est le niveau en fait de base de ce qui est utilisé pour Chrome, sans les trucs toxiques de Google, les trackers, tous les appels aux API Google que Chrome fait. Et puis ça a été créé par un des inventeurs du langage de programmation JavaScript, et ça intègre un bloqueur de publicité en plus. Donc c'est vraiment un navigateur de qualité. Alors je pense que prochainement, peut-être en début 2023, on aura normalement de nouveaux participants dans l'émission. Tenez-vous informés, chers amis. On pense aussi bien sûr à Vincent, qui est maintenant derrière les barreaux depuis un mois, hein, et qui passait le 10 décembre devant les juges, hein, toujours en perspective de son procès pour l'extradition que veulent obtenir le lobby juif international. Donc une pensée à Vincent. On vous tiendra informé des développements, hein, autant que faire se peut. Le journal Rivarol aussi tient ses lecteurs très informés de la situation, grâce au suivi de Jérôme Bourbon. Donc si par ailleurs vous pouvez vous abonner à Rivarol, c'est l'occasion, puisque c'est un journal aussi qui est très persécuté par les juifs, hein, à l'initiative des Klarsfeld, pour commencer, parce que c'est eux qui leur ont fait sauter leur agrément, donc leur statut de médias, hein, en France, alors que bon, il existe depuis plus de 70 ans, ce journal, et aussi de Tristan Mendès France, etc., enfin, il porte très mal son nom d'ailleurs, et de Rudi Reichstadt, etc., qui ont des déboires en ce moment, hein, puisque leurs collaborateurs sont passablement dévoilés au grand public, hein, avec leur méthode. Là, ça, ils ont souffert là, ces dernières semaines. Là, c'est le travail de François, qu'il faut saluer, hein. Faut saluer. Ils ont fait un excellent travail sur le Covid pendant 2 ans et demi, et en fait je pense que le lobby juif n'a pas du tout toléré ce travail, et parce qu'il faut pas se mentir, on sait très bien qui était derrière Pfizer et compagnie, on sait très bien qui c'est, hein. Et donc ils ont vraiment harcelé l'équipe de François, dont ils viennent de faire sauter aussi l'agrément officiel, comme Rivarol. C'est pour ça que j'avais remarqué que personne ne s'est indigné des persécutions contre Rivarol. Nous, on en a parlé, mais les autres journaux n'en ont pas parlé, évidemment, puisqu'ils mangent dans la main de qui vous savez. Mais François, je ne crois pas qu'ils en ont parlé. Mais moi, je savais que ce serait un effet domino, et que ce qui marchait pour Rivarol marcherait pour toutes les publications qui posent problème au pouvoir en place. Et ça n'a pas loupé quelques mois après, mais vraiment pas longtemps, parce que c'est quoi, 3-4 mois après, c'est François qui a perdu un des plus vieux titres de la presse française, quand même, François. Avec Rivarol, d'ailleurs. Ils ont perdu leur agrément. Donc maintenant, en fait, les hyènes rigolent. J'ai suivi, hein, sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Ils rigolent, ils ricanent en disant « Bah oui, en fait, maintenant, François, c'est plus qu'un blog complotiste. » Vous voyez, c'est ça l'objectif, c'est de délégitimer. Vous voyez, c'est ça, ce travail de sabotage qui est fait, pour dire, au fond, « Oh non, mais c'est des élucubrations d'illuminés, etc. Voilà. » Et donc, je ne suis pas mécontent de voir qu'il y a eu un travail d'enquête qui a été mené contre, comment s'appelle-t-il là, Daoust. Hein, Antoine Daoust. Ouais, Antoine Daoust, qui était un bonimenteur stipendier par les mêmes, qui a été, voilà, hein, dont on a vu là, les manipulations mises à jour. Lui, il vendait carrément des faux tests. Donc le mec faisait du débunkage en ligne contre le en faveur du narratif officiel sur le Covid, c'est-à-dire vaccinez-vous, voilà, hein, la totale, quoi, hein, portez les masques, etc., voilà, n'écoutez pas les complotistes, et en loose day, le gars vendait en cash des tests truqués pour les gens qui voulaient pas se faire vacciner. Donc c'est vous dire le degré d'insanité. Et puis il déconseillait à sa femme de se faire vacciner aussi, puisque visiblement il avait des informations de première main qu'il valait mieux pas se faire vacciner. On se demande pourquoi, hein, on se demande pourquoi. Donc voilà, donc ces gens-là, donc l'enquête de François est très intéressante. Ils en ont fait une sur Reichstadt aussi, personnage très intéressant. Hein, voilà, donc juif qui met des tampons sur les gens complotistes et qui ensuite vous interdisent d'internet. Donc c'est eux qui décrétaient, voilà, toi tu peux être sur Facebook, toi tu peux être sur YouTube, toi tu peux être sur Twitter, etc., etc. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est voilà, c'est le Sanhédrin, hein, qui décide qui est où, quoi. Donc là, bon, il y a eu un début de contre-offensive lancé par François. Bon bah, c'est pas faute d'avoir été agressé par ces gens-là, donc tant mieux, bravo. Je pense que je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à prendre connaissance de ces enquêtes menées par François, très courageuses, parce que ils font le travail que finalement personne ou presque ne veut faire à propos de ce qui n'est rien d'autre qu'une mafia. Oui, et j'ajoute pour Vincent qu'il est en train d'écrire ses mémoires actuellement, et le premier chapitre vient d'être publié sur son compte Telegram, donc sans concession, SANS, concession sans S à la fin. Alors il y a une nouvelle adresse d'ailleurs pour le site de Vincent, c'est blog, blogue, point, sans concession, en un seul mot, point org. blog.sansconcession.org. C'est la nouvelle adresse du site de Vincent Raynouard. Donc c'est le même site, hein. Vous retrouvez le même contenu, il est fait exactement de la même manière, simplement ils ont changé d'URL. Donc je vous l'ai donné, si vous souhaitez le consulter, s'il vous plaît faites-le. C'est par là-bas aussi que ça se passe pour soutenir financièrement Vincent. Il en a besoin. J'avais donné la semaine dernière l'adresse où vous pouvez envoyer des livres ou un courrier à Vincent dans sa prison écossaise. Voilà. Donc, il vous suffit de vous référer à l'émission de la semaine dernière en introduction. Et sinon, de toute façon, on a aussi mis l'adresse sur le site internet en rubrique médias. Vous descendez, vous trouverez cette adresse. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs la mettre plus en avant sur le site. On va voir ça. Donc voilà, alors maintenant on va remercier les donateurs avant d'entamer cette émission. Pardonnez-moi pour cette introduction. Chers amis, vous pouvez nous soutenir. La démocratie participative est soutenue exclusivement par ces donateurs. Au moins c'est simple, il n'y a pas de subvention. Hein. Donc si vous souhaitez nous donner un coup de main en ces temps difficiles de censure généralisée, de répression, c'est uniquement en crypto-monnaie. Voilà, vous pouvez faire un don par Monero. Tout est expliqué, on a un guide explicatif sur le site, il suffit de vous y référer. Ça se maîtrise sans trop de difficultés. Si vous avez des questions à poser en ce sens, n'hésitez pas à écrire à notre adresse email. Merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne nous envoient pas de courriel, mais qui le font quand même. Grâce à vous, on tient. Et maintenant, je vais lire les courriers de donateurs qui ont tenu à nous écrire. Si vous nous envoyez un don et que vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire, faites-le. Premier don. C'est Alpineur, effectivement, qui nous a déjà fait des dons. Bonjour, chers amis de DP, vous allez recevoir un don de 007 Monero. Merci à toute l'équipe pour vos émissions et aux autres intervenants. Une pensée pour Vincent pour les fêtes de fin d'année. Merci à toi, Alpineur, effectivement. Pensée pour Vincent, qui est détenu politique en Écosse, et en plus d'être en exil, qui, subit de plein fouet la répression, y compris donc à Noël où il sera en prison. Pensée à lui. Don numéro 2, don Jacques Vengeance, c'est son nom. Premier don de 40 euros, nous dit notre camarade, 027 Monero. Et je compte faire cela mensuellement si tout se passe bien. Pour cela, merci de me confirmer par retour si la procédure a bien fonctionné. Alors, on a un retard sur les confirmations. Veuillez nous en excuser, on est très occupé. on fait de notre mieux pour répondre, pour pallier à ce retard le plus vite possible. C'est vrai que c'est dur de faire tout en temps et en heure. En vous remerciant pour la fenêtre d'air pur que vous offrez et pour les vies que vous sauvez. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il dit anti-désespoir, galvanisation contre les forces de destruction de nos soi-disant... alors là, Jacques, l'email est venu avec des tas de coquilles, je pense qu'il y avait un problème de... C'était avec les accents ou quoi, et ça générait des tas de lettres, donc malheureusement, j'ai dû décrypter, il y a une partie du courriel que je n'ai pas pu lire. Donc, je suis désolé, j'arrive pas à vraiment décrypter, donc je ne sais pas ce qui a fait ça, mais ça peut arriver. Donc, j'arrive pas à lire la suite. Mais j'imagine que ce qu'il veut dire, c'est, voilà, bon, c'est que l'émission reste sur un ton raisonnement positif, autant que faire se peut, et de ne pas se laisser abattre, de casser un peu la morosité ambiante. De sensibilité monarchiste, j'ai l'impression, toutes les semaines, d'écrire à la table des princes du sang. Meilleurs vœux, et donc c'est signé Jacques Vengeance. Alors, c'est très flatteur, Jacques. J'espère qu'on est à la hauteur de ces compliments. En tout cas, on fait et on fera de notre mieux pour l'être. Merci Jacques pour ton soutien. Don numéro 3. Bravo à tous pour ce travail tellement courageux. Vous êtes bien lucides et clairvoyants. Vous m'avez beaucoup apporté. Nous sommes de plus en plus nombreux autour de moi vous écouter. Il est vrai qu'à ma modeste échelle, j'ai réalisé un travail patient de rééducation grâce à Dempart. Mon père a récemment changé de portable et m'a explicitement demandé de lui installer Tor, Brave, VPN, ça, bon ben on en a parlé, raccourci vers Dempart, ce que j'ai pris un réel plaisir à effectuer. Ma femme, tous les mardis soir, me demande spontanément s'il y a démocratie participative. Vous êtes conscient, j'imagine, que vous portez les germes d'une nouvelle civilisation. Enfin, ça, c'est quand même très très très généreux. Et en disant cela, je n'ai pas le sentiment d'exagérer, car l'actuelle civilisation est bien en train de s'effondrer. Alors ça oui, par contre, absolument. Étant polytechnicien et chef d'entreprise, j'aurais tellement d'anecdotes et de témoignages à vous apporter à ce sujet, un jour je prendrai le temps de vous rédiger un courrier plus détaillé. Ah, je suis preneur et l'émission du maire général est preneuse de témoignages. On est friand de témoignages, c'est toujours intéressant de les lire. Pour l'instant, j'ai le plaisir de vous faire un don de 0,6 Monero, une action que je veux faire sur une base régulière avec un montant fixe de 1,488 Monero, pour la bonne forme. Je vois ce que tu veux dire, ce que vous voulez dire, pardon. Un peu facile. Encore un grand merci, force, courage et honneur, et c'est signé Lucifer, pourquoi pas. Alors il y avait une petite allusion à Marie Fagan. Je laisse nos démocrates en herbe creuser, hein, voilà, Cluedo. Qui est Marie Fagan? Qui l'a assassinée? C'est une petite référence politique. Vous verrez de quoi je parlais. À vos recherches, chers amis. Merci encore une fois à notre donateur. Don numéro 4. Bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je viens d'envoyer un don de 0,28 Monero. J'ai hâte d'écouter les prochaines émissions. Et c'est CertBot qui nous écrit ça. Merci CertBot pour ton soutien, bien sûr. Dernier don. Don numéro 5. Salut à vous, l'équipe de Denpark. Je viens de vous envoyer 0,3 Monero au titre du mois de décembre pour vous remercier de votre bon travail. J'ai bien évidemment une pensée pour notre camarade Vincent en ces temps difficiles. Pour lui, effectivement, comme mentionné dans la dernière émission, passer les fêtes de fin d'année dans une geôle en Écosse n'est jamais marrant. Puisse la Providence lui porter chance pour le futur et avec ses histoires d'extradition hébraïque. Étant donné que mon prochain don sera pour le début de l'année prochaine, je me permets de souhaiter en avance un joyeux Noël à l'équipe de Dempart, racialement vôtre, et c'est signé Doc. Merci Doc pour ton soutien. Merci aussi par procuration pour les encouragements envoyés à Vincent. Je sais qu'ils lui parviendront. Et bien sûr, une pensée à lui, encore une fois, puisqu'il sera en prison pour Noël. C'est vraiment pas l'endroit où on aimerait être à cette période de l'année. On préférait évidemment être avec ses proches. Donc la situation est difficile, mais c'est le prix à payer pour que les mythes de cette époque du mensonge s'effondrent. Il y a un coup, malheureusement. Alors, commençons cette émission, chers amis. C'est vrai que cette introduction a été un peu longue. Nos auditeurs ne nous en voudront pas. Rubrique numéro 1, climato-mondialisme. J'ai voulu commencer là-dessus. C'est à Lyon. C'est une provocation qui a été réalisée par le groupe qui est maintenant bien connu, qui s'appelle Extinction Rébellion, groupe groupuscules, devrais-je dire même, d'écologistes ou prétendus tels radicaux qui mènent des actions dites coup de poing sous forme de happening, hein, sous forme de manifestations spontanées visant à attirer l'attention, à troubler la quiétude du public pour véhiculer des messages, des slogans sur le thème du réchauffement climatique, mais pas que. Alors, donc, il y a des images qui ont été filmées, je donne le contexte, hein. Ça se passe à Lyon, il y a la fête des Lumières à Lyon, qui est une fête mariale, hein, une fête à caractère religieuse, très ancienne, séculaire, puisqu'en fait la ville de Lyon, à cette occasion, se place sous la protection de la Sainte Vierge, hein, de Sainte Marie, la mère du Christ, comme vous le savez. Et donc, pour ces fêtes de la Lumière, toute la ville de Lyon se met, j'allais dire, en scène avec des lampions, etc. Bon, voilà, c'est toujours un spectacle assez, assez beau à voir. Et alors, c'est très lyonnais, c'est vraiment l'histoire de la ville, hein, qui se déroule là, puisque la protection sollicitée officiellement de la part de la ville, enfin, le fait que les habitants de Lyon se soient placés sous la protection de la Vierge remonte au XVIIe siècle. Donc, c'est quand même. Quand même très ancien, et ça remonte même avant, mais officiellement c'est au XVIIe siècle. Et alors, au moment donc où les Lyonnais se retrouvent, pour célébrer l'histoire de la ville, pour célébrer aussi, bien sûr, sa spiritualité chrétienne, catholique, en l'espèce, de tradition du moins, intervient ce groupuscule qui a projeté sur la primatiale Saint-Jean, une église, si vous voulez, qui a projeté ses slogans avec des lasers. Et alors là, c'était des slogans, je vais vous les donner, hein, ultra riche égale ultra pollueur. Il y a d'autres slogans, sortons en gros du capitalisme, etc. Voilà. Bon. Alors, chers amis, on ne va pas développer très longtemps, mais il y a quand même deux, trois choses à dire, je pense. Qui voudrait réagir d'abord sur cette nouvelle action d'extinction, rébellion? Je vois pas très bien qu'est-ce qu'un message anticapitaliste vient faire dans une fête chrétienne. Je veux dire, ils viennent saboter les fêtes traditionnelles. Avec des messages, on a l'impression que c'est le 19e siècle. Là, on est en 2022, c'est plus la lutte des classes, on est plus proche de la lutte des races. Il serait plus honnête de leur part de mettre des messages anti-chrétiens, anti-blancs, comme quoi ils veulent les éradiquer pour toujours, les génocider. Voilà, ils seraient plus honnêtes s'ils mettaient ce genre de messages. Parce que là, anti-capitaliste, on a l'impression qu'on est au 19e siècle. Et je vois pas trop bien qu'est-ce que ça a à voir dans une fête chrétienne. Voilà. Et puis, s'ils pouvaient faire aussi la même chose sur des fêtes islamiques, hein, pour être équitable. C'est un peu l'idée que j'avais en tête. Oui, j'avais un peu cette idée-là aussi. Je disais, tiens, c'est intéressant, mais est-ce que le concept est reproductible lors de la fête de l'Aïd, la fin du Coran, du Ramadan, enfin tout. Est-ce qu'on peut projeter des slogans au laser sur des mosquées lors des fêtes de l'Aïd? Est-ce que c'est possible dans la banlieue de Lyon? Et est-ce que ça se passerait bien avec les fidèles? C'est une question que j'ai comme ça. T'aurais des hordes de végétal algériens qui sortiraient avec des couteaux pour essayer d'égorger les petits gauchistes qui viennent mettre leur message sur la mosquée. Ce serait vraiment amusant. Bah, est-ce que égorger des moutons quelque part, c'est pas aller dans le mauvais sens? Parce que c'est pas comme les vaches. Les vaches, elles émettent du gaz, c'est contre la planète. Mais les moutons, ils n'émettent pas de gaz. Alors pourquoi tuer les moutons alors que les vaches, ce sont les vaches qui polluent? Voilà, ce genre de délire absolument. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Jean, quelque chose à dire là-dessus? Oui, je trouve que c'est intéressant ce mouvement d'Extinction Rébellion, parce qu'en fait c'est vraiment un mouvement bourgeois par excellence quand on s'intéresse à la sociologie des gens qui font partie de cette espèce de mouvance internationale, puisque ça existe aussi en Angleterre, il me semble aussi en Allemagne. On constate que c'est toujours à peu près le même profil de fils et filles de la classe moyenne, un peu ratés, qui savent rien faire par eux-mêmes, et qui n'ont pas vraiment de compétences productives, qui travaillent dans des métiers à la con, du tertiaire, qui produisent aucune valeur, qui ont eux-mêmes, par conséquent, aucune fierté, aucune dignité personnelle, et ils s'achètent une vertu, ils s'achètent une valeur en se lançant dans des combats un petit peu fantasmagoriques, comme cette histoire de vache qui pète, qui réchaufferait la planète, ou d'ultra riches à abattre, alors que eux-mêmes font partie de classes en général plutôt privilégiées. On verra jamais un fils d'ouvrier ou un fils de boulanger participer à un truc comme ça. C'est vraiment des inquiétudes de petits bourgeois qui s'ennuient et surtout qui ne savent rien faire par eux-mêmes et donc qui se rabattent comme ça sur des combats prémâchés que la caste médiatique et les riches au pouvoir leur donnent comme étant des combats à grande vertu. Donc ils se font très peur entre eux, ça traverse un peu les médias, les réseaux sociaux. On les voit s'énerver beaucoup sur les températures en été, quand il fait chaud en été, ça les choque. Là, il fait un peu plus froid en hiver, mais ils sont pas choqués. Bizarrement, ça va, parce que là, on est censé vivre un réchauffement climatique, mais en hiver, ça devient un changement climatique. Donc la rhétorique change en fonction. Et puis, bah, comme disait Hydromel, il n'y a pas grand-chose de vraiment cohérent. Puis ils viennent, en fait, ils viennent faire des actions totalement antisociales. Ils viennent s'opposer à l'ordre social. En se croyant très vertueux. Donc là, ils viennent saboter une fête locale, une sorte de festival d'une ville, d'une grande ville française, authentique et traditionnelle. Et ils sont contents. Ils viennent gâcher quelque chose que les gens apprécient, que les gens aiment. Ils aiment bien se réunir, ils aiment bien fêter cette fête pendant l'hiver. Et c'est un peu pareil quand ils vont s'asseoir sur le périphérique, là, ils croient qu'ils font des grandes choses, alors qu'en fait, ils ont une action totalement antisociale, ils bloquent les gens, ils font perdre du temps à tout le monde, et ils sont satisfaits, voilà. Donc c'est ce que j'aurais à dire sur ces mouvements de bourgeois qui ont rien à faire, en fait, de leur journée. Oui, alors, sur Extinction Rebellion, il faut savoir qu'il a été démontré hein, que c'est des mouvements financés par Soros, hein. Alors, je résume pas toute l'équation à Soros, mais on voit qui soutient, qui appuie, et leur couverture médiatique est inversement proportionnelle à leur représentativité dans la population. Et je crois que t'as brossé un tableau assez juste des profils des participants à ce type d'action. Ils sont peu nombreux, ils sont d'une certaine extraction sociale. Donc voilà, j'ai pas besoin d'y revenir, je vais pas répéter ce que tu as très bien formulé, mais on voit qui c'est qui veut s'en servir. Donc ce sont des idiots utiles d'intérêt très puissant. Alors c'est très drôle, puisque quand on est financé par Soros, qui est un milliardaire connu comme étant un prédateur international, qui est dénonçant les ultra riches, on rigole, on s'amuse. Donc pourquoi les milliardaires, comme Soros, financent de soi-disant opposants qui dénoncent les ultra-riches. Bon, bah, en posant la question, c'est y répondre, c'est-à-dire qu'ils suscitent eux-mêmes leurs faux opposants. Hein, voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Où veulent-ils nous mener ? Bah, c'est là qu'on voit la manipulation. C'est-à-dire qu'on est à Davos. Donc Soros, alors maintenant il est très âgé Soros, mais son fils prend le relais. Le fera-t-il avec autant de succès, autant d'efficacité ? Je ne sais pas. Mais enfin, il est officiellement en charge de poursuivre l'œuvre de George Soros. Parce que, comme je l'ai dit, maintenant il a 93 ans, je crois. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même très âgé. Mais il intervient pratiquement chaque année à Davos. Et donc, à Davos, on est dans cette espèce d'environnement étrange où on a des milliardaires qui viennent écouter des théoriciens marxistes. Si vous écoutez Schwab, c'est un idéologue marxiste. D'ailleurs, il a un buste de Lénine dans son bureau. Donc, il connaît Lénine, il connaît le léninisme, j'imagine qu'il a lu les œuvres de Lénine. Alors je ne dis pas que c'est un léniniste orthodoxe, mais visiblement, en tout cas, c'est une source d'inspiration pour lui. Donc c'est quand même étrange d'avoir des milliardaires qui viennent du monde occidental entier, parfois même au-delà, écouter des doctrinaires d'une forme de néo-marxisme, des gens comme Piketty, etc. Alors c'est une forme de marxisme, si vous voulez, édulcoré. Hein. Donc on n'est pas, pas en 1918, on n'a pas les accents révolutionnaires, c'est beaucoup plus posé, les gars arrivent en costard-cravate, les discussions sont feutrées, voilà, hein, c'est comme les discussions TEDx, là, c'est un peu ce genre-là. Mais il n'empêche que le fond est extrêmement radical. Et c'est à Davos qu'on a expliqué que le monde devait sortir des énergies fossiles, à commencer par l'Europe. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce qui se passe avec la Russie. C'est-à-dire qu'on a débranché l'Europe par la force des énergies fossiles russes. Gaz, pétrole. C'est pour ça aussi que vous voyez que l'Arabie Saoudite n'est pas dans les meilleurs termes avec l'administration Biden, qui est une administration de la gauche démocrate qui est très liée à Davos. Je vous rappelle que Soros est le principal donateur du Parti démocrate américain et que le deuxième, c'est Bankman-Fried, qui vient d'être pris la main dans le pot de confiture en train de faire du blanchiment d'argent avec l'Ukraine et Zelensky au profit du Parti démocrate. C'est l'affaire FTX. Donc, comment dirais-je, on est dans un environnement très étrange où on a la gauche socialiste occidentale qui est à Davos, qui va écouter des doctrinaires, effectivement, comme Piketty et d'autres, leur expliquer comment on va réorganiser le monde, écouter des gens comme Schwab, comment on va réorganiser le monde. Et ces gens-là viennent avec des théories notamment sur le réchauffement climatique. Et les médias suivent, hein, ils ont des ordres, voilà, et on voit marcher main dans la main ces gens-là avec, c'est très puissant, et on arrive avec des situations, on a des groupuscules financés par Soros qui disent « Ah là là, les ultra-riches, le capitalisme qui détruit la planète, au secours, agissons vite !» Et là on se dit « Mais je comprends pas, pourquoi les milliardaires financent des agitateurs ?» pour les diaboliser en nous disant que la solution, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Je disais, ils suscitent eux-mêmes leur opposition. C'est qu'en réalité, en désignant les fameux ultra-riches qui pollueraient, on cherche à... En fait, c'est de la démagogie, et on cherche à tromper l'opinion pour lui dire, vous avez vu, on n'en fait pas assez, ou ce sont même des hypocrites, il faut aller plus loin. Mais plus loin vers quoi? Plus loin vers le programme de Davos, c'est-à-dire vers le programme d'abandon des énergies fossiles, c'est-à-dire en pratique abandon de la voiture, transport en commun obligatoire pour tous, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Et là, concrètement, c'est quoi cette nouvelle société qu'ils organisent? Eh ben, c'est une société complètement structurée autour de quelques grands oligarques, au fond. Parce que cette nouvelle politique générale est menée main dans la main avec des très grands groupes, si vous suivez. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne veulent en pratique se débarrasser des ultra-riches. Parce que quand vous regardez la politique défendue par Davos, ils sont constamment dans des partenariats avec des très grandes entreprises. C'est pour ça que tous les grands responsables de très grandes entreprises se retrouvent à Davos. Donc ils disent qu'il faut des partenariats. Donc ils ne veulent pas se débarrasser des oligarques. Ils ne veulent pas se débarrasser de ces très grands groupes multinationaux. Au contraire, ils font partie de la stratégie. Donc c'est de la démagogie. Ça permet simplement de dire au public... que ça cherche à convaincre le public qu'il faut en faire davantage, il faut être beaucoup plus radical qu'à présent. Et en pratique, donc, d'aller beaucoup plus vite dans le sens voulu par les mêmes oligarques. Donc vous croyez, le peuple croit lutter contre les oligarques, contre les ultra-riches, comme ils disent, quand en réalité, le rôle de ces agitateurs est de les pousser à faire les volontés des oligarques du programme de Davos, hein, et donc marcher vers cette espèce de société très étrange, où on se passe du progrès technique, quoi, en substance. Hein, voilà. Donc, ce sont des provocations. Et alors, il y a toujours, pour en revenir à Lyon, il y a toujours une sous il y a toujours, on voit que c'est d'inspiration marxiste. Parce que si c'était que les histoires d'écologie, ils ne cibleraient pas une église comme ils le font là. N'est-ce pas? Donc il y a vraiment une attaque contre le symbole qu'est l'Église en question. C'est évidemment pas Bergoglio, évidemment pas son clergé, puisqu'ils sont totalement alignés sur le programme de Davos. Donc c'est pas l'Église catholique telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est le symbole. Et là, c'est simple, je veux dire, du passé faisons table rase, Bon, ça, on l'a vu en Union soviétique, on l'a vu en Chine maoïste, on l'a vu partout, les communistes ont pris le pouvoir, et on l'a vu avec la Révolution française, lorsque les sans-culottes se sont mis à détruire les églises. Enfin, cette attaque permanente contre, j'allais dire, l'organisation traditionnelle de la société vers une forme de verticalité, indépendamment de ce qu'on peut penser de la philosophie profonde du christianisme, je veux dire. Mais au-delà de ça, ils veulent vraiment détruire le passé, quoi. Et donc, on voit que c'est pas juste de l'écologie. Et d'ailleurs, c'est ce qui... Et j'en termine. Je crois que la ficelle est assez claire. C'est-à-dire qu'au fond, avant, le marxisme, sous un verbiage pseudo-scientifique, bon, je passe là-dessus, parce que c'était ça, c'est le socialisme scientifique. Bon, c'est une vaste blague, parce qu'au fond, c'était du millénarisme. Hein, proposait de créer une société égalitaire et atteindre la fin de l'histoire. Pour du socialisme scientifique, c'était quand même très utopique. Hein. Et alors, ça ne marche plus. C'est-à-dire, cette promesse d'une société égalitaire éternelle n'agit plus sur le monde, n'entraîne plus les masses. Maintenant, ils procèdent par la peur. Donc, jadis, on vous disait, on va réaliser la collectivisation parce que nous allons ainsi bâtir le paradis des travailleurs. Les socialistes, alors les communistes disaient on va le faire par la révolution et par la violence et par la dictature du prolétariat. Les socialistes disaient on va le faire par la réforme. Maintenant, ils ont bien conscience que ça n'agit plus sur les masses, donc maintenant ils disent attention, hein, le monde va finir dans 50 ans. Il y en a même qui disent c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, voilà. Donc il faut très vite mettre en place la collectivisation verte. Parce que sinon c'est foutu, sinon on va tous mourir. Donc il faut le faire, vite la collectivisation pour s'en sortir. Ah! Oui, mais c'est une collectivisation hybride. C'est-à-dire qu'on va créer effectivement des kolkhozes, mais qui sont contrôlés par des oligarques. Donc, voilà, c'est ça la nuance, c'est qu'on va bien vers des kolkhozes, on va bien vers une nouvelle réorganisation de la société qui va ressembler à une société soviétisée, sauf qu'au lieu d'avoir une ferme d'État contrôlée par un soviet, bah, on aura Amazon, voilà, qui sera un kolkhoze aussi, qui ressemblera exactement à un kolkhoze soviétique, sauf qu'il sera une propriété privée. Voilà. Mais qui sera étroitement lié, évidemment, aux bureaucraties des différents États où ils opèrent. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu le bisbille qu'il y a avec Elon Musk en ce moment. Hein. En fait, c'est l'accusation sous-jacente du Parti démocrate américain et même de Macron. Là. En fait, oui, mais est-ce que Musk va jouer le jeu? Voilà, c'est ça qui lui reproche. Est-ce qu'il veut la jouer en solitaire? Est-ce qu'il veut utiliser sa puissance, sa fortune, utiliser Twitter pour en faire ce que bon lui semble? Ou est-ce qu'il va jouer collectif et suivre le projet que nous avons arrêté? C'est ça le rapport de force qui existe actuellement. Hein. Voilà. Alors, les autres milliardaires disent on suit, ils vont tous à Davos pour prendre les consignes ou pour en donner. Et ils se coordonnent. Et avec Musk, en fait, la tension actuelle, c'est est-ce qu'il va rester sur une logique solitaire ou est-ce qu'il va jouer le jeu? Thierry Breton, quand il l'a menacé ouvertement il y a une dizaine de jours, c'était encore la même chose. Voilà, il y a des règles, il y a une régulation, l'Union européenne a décidé que, et si Twitter doit être présent en Europe, ça sera à nos conditions, sinon on interdit Twitter en Europe. Voilà, donc on... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on... Voilà, donc, alors ça paraît anecdotique, ces provocations d'Extinction Rébellion ou d'autres groupes qui cherchent, en fait, à agresser le public, mais c'est vraiment de l'intimidation. Hein. Psychologiquement, c'est pas du tout anodin. Quand ils stoppent le trafic de bagnoles, c'est pas juste pour sauver les petits oiseaux, c'est vraiment pour faire chier les gens, c'est pour emmerder les gens, pour les fatiguer psychologiquement, pour les user, quoi. Mais c'est des méthodes de gauchistes qui datent pas d'hier, hein, parce que dans les années 80-90, il y avait déjà la mode des sittings, donc les gauchistes, ils adorent s'asseoir quelque part et puis dire qu'ils sont pas contents. C'est vraiment une manière de protester, de mollusques. C'est des larves qui viennent... Et en fait, c'est parce que ces gens n'ont aucune dignité. Vraiment, ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Donc, ils peuvent pas se dire, bah, moi, je me tiens droit et je m'oppose à ce qu'on me propose. Non, c'est leur méthode, c'est de s'asseoir, de s'avachir quelque part, ou de saccager, de détruire quelque chose de beau. Donc là, il y a une belle illumination d'une cathédrale. Il faut qu'ils viennent avec leur truc, leur laser. Je sais pas trop comment ils ont fait ça, mais et puis qu'ils viennent saccager quelque chose de joli. Voilà, ça leur plaît. Moi, je trouve que pour le coup, là, les méthodes de Pol Pot d'envoyer ces espèces de petits intellectuels en herbe qui ne savent rien faire, de les envoyer travailler de force dans l'agriculture pour qu'au moins ils apprennent quelque chose, ne serait-ce que planter une graine, et ben ça, ce serait des bonnes méthodes de redressement de ces populations complètement antisociales. Et pour revenir très rapidement sur ce que tu disais à propos du discours marxiste classique qui ne prend plus aujourd'hui dans les masses, c'est qu'en fait, ils ont eu besoin de faire cette mue vers le climato, l'alerte climatique, l'apocalypse climatique, parce qu'en fait, l'aliénation qui poussait les gens à suivre le marxiste et était très marxisme était très différent. C'était des ouvriers qui travaillaient à la chaîne sur des métiers extrêmement pénibles qui ne leur fournissaient pas beaucoup de ressources financières. Donc il y avait un côté très déshumanisant, très aliénant dans ce qu'on a appelé le taylorofordisme au XXe siècle. Mais aujourd'hui, la déshumanisation de tous ces gens qui sombrent dans le gauchisme primaire, c'est des métiers du tertiaire débiles, c'est des bullshit jobs. Et dans le livre Bullshit Job, l'auteur Graber explique bien que dans l'économie américaine, bon, c'est un exemple, mais je pense que ça s'étend à d'autres économies occidentales, 37% des gens, quand on leur pose la question s'ils pensent que leur métier sert à quelque chose, leur travail sert à quelque chose, 37% des gens répondent non de base. Et ensuite, il y aura 13% des gens qui diront qu'ils ne savent pas. Donc en fait, dans les sociétés occidentales modernes qui sont très tertiarisées, dans des métiers de consultants PowerPoint, de gens qui travaillent dans des bureaux à pas trop savoir ce qu'ils font, ils finissent par tomber en fait dans ces espèces de petites idéologies gauchistes ou d'adhérer comme ça à des ersatz du marxisme, parce que c'est ça qui leur donne une certaine vertu, ça leur fait plaisir. Donc moi je vois vraiment dans cette affaire d'Extinction Rébellion, outre tout l'aspect dont tu as parlé, les milliardaires qui instrumentalisent ça, qui en bénéficient, je vois vraiment un symptôme très profond du fait que les gens aujourd'hui n'ont pas des métiers qui les rendent fiers, n'ont pas des métiers qui les rendent dignes, contrairement à par exemple les artisans d'autrefois ou même d'aujourd'hui. On verra jamais, je sais pas, un chef 3 étoiles qui a bossé pendant des années sombrer dans le gauchisme. C'est des gens qui savent faire des choses très concrètes, qui ont vraiment des compétences valorisées par les autres. Et ça, tout ce que ces petits gauchistes n'ont pas et qui pensent se doter ainsi, c'est de véritables choses dont ils sont fiers. Oui, tu as raison hein, sur le terreau, hein, je suis d'accord. Bah, c'est le terreau électoral d'une ville comme Lyon, d'ailleurs. Hein, je veux dire, le maire de Lyon, dont j'ai complètement avalé le nom, d'ailleurs. Celui de Grenoble, je l'identifie, mais celui de Lyon, je ne me rappelle plus. C'est une C'est mairie. un écolo marxiste. Ouais, c'est un écolo-gauchiste. Hein. Donc. Grégory Doucet. Voilà, Grégory Doucet, voilà, c'est ça. Je confonds toujours avec Cédric Piolle, mais ils ressemblent énormément. Hein, je veux dire, c'est le même. Et ça correspond à un terreau que tu as bien décrit, hein, je veux dire, voilà, hein, qui est sécrété naturellement par cette tertiarisation, globalisation. Des échanges dont ces grandes villes en fait sont la vitrine quoi et donc les traditions qui restent de ces villes bon, bah, du Moyen Âge donc d'avant ça sont attaquées hein, sont attaquées donc c'est toujours la tentation de la révolution culturelle mais je suis d'accord avec toi tu as raison tu as vraiment une raison de pointer du doigt du fait que ce sont vraiment des petits bourgeois nihilistes qui essayent de justifier leur existence en agressant les autres sur la base de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont et de ce en quoi ils peuvent éventuellement croire. Voilà, c'est... ouais, tout à fait. Voilà, enfin... Ouais, vas-y, vas-y. On pourrait se dire aussi, c'est une petite action anecdotique qui n'a pas grand intérêt, mais en réalité, comme tu l'as fait remarquer, Gandalf, les financements sont colossaux, parce que Soros, c'est des sommes faramineuses. On rappelle quand même que les Femen, les Black Blocs, Black Lives Matter, etc., tout ça, c'est financé par Soros. C'est pas anecdotique. On peut même... par rapport à cette attaque envers la foi des gens, en fait, ce qui les relie à Dieu quelque part, ce qui les relie à une étincelle de vie, en fait, c'est ce qu'ils veulent briser. Et on peut rajouter, par exemple, la statue de Saint-Michel qui a voulu être déboulonnée. Ah, voilà, c'est des actions qui s'inscrivent dans cette optique de briser le lien entre l'homme et une étincelle de vie. Et on peut même aussi ajouter l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Je pense que toutes ces choses, ça s'inscrit dans la même volonté, et les sommes sont faramineuses, donc c'est pas du tout anecdotique. Voilà. C'est la sans-culotterie en mouvement. Hein. Je veux dire, pas chercher la sans-culotterie, c'est vraiment un type alors les sans-culottes historiques, eux, étaient plutôt des artisans. Urbain, révolutionnaire, mais cette soif de destruction, on la retrouve quand même historiquement dans les éléments les plus radicaux de la gauche, et on les a encore aujourd'hui. Je veux dire, alors bon, ça va, à Lyon, ils n'ont pas incendié l'église, mais pour ce qui concerne Notre-Dame de Paris, vous remarquerez finalement à quel point l'affaire est étouffée. Parce qu'au fond, l'enquête, ça avance pas, on ne sait pas, on n'est pas très sûr. Mais, on ne voit pas du tout l'empressement de régler l'affaire. Alors qu'on a bien compris dès l'origine que la toiture ne pouvait pas flamber comme ça. Donc on sait que c'est criminel, on sait qu'il y a une intention. Et l'inaction des pouvoirs publics, le fait que ça ne soit même pas un sujet, suffit à signer le crime. Donc il y avait une commande derrière cela. Et à mon avis, il y a un calcul derrière ça. Je pense qu'il y a... outre la symbolique, il y a une volonté de destruction de l'ordre ancien et de mise en scène de cette destruction. Et je crois qu'ils ont encore d'autres choses en stock de la même nature. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer ça. Il y a des forces au pouvoir qu'on peut qualifier d'occultes. Hein, il y a des forces occultes au pouvoir et qui sont des forces de destruction. Et qui signent toujours un petit peu leur méfait. Hein. Il y a toujours une forme de revendication perverse du crime, quoi. On se souvient par exemple de Jacques Lang qui avait pris une photo avec derrière lui quand même la cathédrale de Notre-Dame en train de brûler. C'est quand même très très suspect. Oui, depuis l'Institut du Monde Arabe aussi, faut-il le rappeler. Hein. C'est du toit, depuis le toit de l'Institut. Donc c'est pour dire quand il signe, c'est une demi-signature pour ne pas dire une signature. Oui, après il y a l'autre grand projet, je ne sais pas s'il a été finalement abandonné, mais il y avait le grand projet d'Hidalgo d'une grande pyramide de verre. Bon, évidemment, le caractère maçonnique est grotesque. Mais ils sont comme ça, c'est plus fort qu'eux. Hein. Ils ont besoin de se mettre en scène. Et voilà, et ces gens veulent saccager, hein, ils sont profondément destructeurs. Et Macron est comme ça. Si vous regardez bien, Macron, dans sa psychologie profonde, c'est quelqu'un qui est un provocateur. Il adore humilier et jouir du spectacle de la personne qui est humilié. C'est très marquant chez cet individu-là. Et alors, il y a évidemment chez lui un sentiment de toute puissance et d'impunité. Quoi. Ça c'est vraiment l'élément marquant de sa psychologie. Et à quoi on le reconnaît ? Partout où il se déplace, vous avez regardé, il rigole comme s'il se payait la tête de tout le monde. C'est fascinant. Oui, ça, c'est un ricaneur, Macron. C'est exactement ouais. Ça. Il est tout le temps là avec son nez fourbe à ricaner de tout ce qui se passe. Ouais. Comme si tout l'amusait parce que il est en train de jouer un mauvais coup. C'est exactement ça. C'est pas pour être médisant parce que c'est lui le chef de l'État actuellement. Quand je disais du mal de François Hollande, je disais c'était un pataud. il n'était pas doué dans ce qu'il faisait, il était grotesque comme personnage, voyez, et on peut pas dire que c'était faux, il était vraiment pato, il était pas, on voyait qu'il n'avait pas tellement de suite dans les idées, il était devenu président un petit peu par hasard, d'ailleurs il n'a rien fait de sa présidence, je veux dire, si ce n'est nous lester de quelques millions d'halogènes, quoi, mais en dehors de ça, il a rien fait de particulier. Sarkozy, c'était encore un autre type de personnage, encore, hein, une espèce de d'histrion qui saute sans but, en fait. Mais c'était ça, Sarkozy. Il voulait simplement être au centre de l'attention en permanence, mais il ne savait pas quoi faire de cette attention qu'il recueillait. Alors qu'on voit chez Macron la satisfaction qu'il retire de ses provocations, de ses pics, et ensuite il fait semblant de s'excuser, il rigole encore plus. Je veux dire, c'est vraiment un provocateur né. Et quand on voit qu'il baigne là-dedans, et je trouve qu'il est vraiment à l'image de tout ce qu'on a décrit, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est les gens qui veulent avilir. Ce sont des pervers avilis. Je dirais d'ailleurs, Macron, que il a vraiment le profil du pervers narcissique, quoi, Macron. C'est le pervers narcissique au carré, quoi. Je trouve ça chez lui. Et donc, je ne suis pas du tout étonné que ce soit sous sa présidence que Notre-Dame ait été brûlée. Évidemment, par les forces occultes derrière le pouvoir. Hein, je veux dire, voilà. Bon, est-ce que je dois rappeler, le soir de son élection, son numéro au Louvre, au pied de la pyramide, les bras en l'air pour faire un équerre, un compas, comment ne pas voir encore une fois la main de la maçonnerie juive, des Attali, des Moati, de toute la clique séfarade, je veux dire, les appels du pied, alors avec toute la délicatesse dont sont capables ces populations sorties, comment dirais-je, de leur salmigondi de Judée, hein, je veux dire, parce que ils sont vraiment pas, c'est pas des cérébraux. Hein. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même un truc là, il y a un bain de culture. Un bain de culture. Moi je trouve que démoniaque, c'est un terme qui lui va également très bien, en plus de pervers narcissique. Ouais, mais c'est très valorisant, démoniaque. On dit démoniaque, là, on prête quand même des. Alors que Macron est profondément médiocre, quoi. Il est médiocre, oui. Enfin, beaucoup de gens pensent que carrément, c'est pas de sa faute, il fait de son mieux. Hein. Par exemple, le Covid, on dirait de lui, bah oui, mais comprenez, ça lui est tombé dessus, il pouvait pas savoir. Alors qu'en réalité, il a quand même une compétence pour tout détruire. C'est tant qu'il est financé par ceux qui le protègent. Le jour où ses financements arrêtent, effectivement, derrière tout ça, il y a quelqu'un de très médiocre, bien sûr. Non, mais là, est-ce que vous avez vu le numéro avec son histoire de préservatif, là ? Bah oui. Face caméra, je vais donner des capotes aux gosses. Non, mais c'est ça, c'est la jubilation de salir. La jubilation de salir, ouais. D'avilir, de rabaisser, c'est parce que c'est facile de détruire. C'est le vice. Oui, c'est sûr. Mais il serait médiocre si son intention c'était de vraiment diriger la France avec une intention de grandeur, une intention de prospérité. Là, effectivement, il serait extrêmement médiocre. Cela dit, de toute évidence, son intention, c'est comme on l'a déjà dit, c'est l'avilissement, la destruction. C'est un vicieux. Donc, la destruction de la France, le fait que sous sa présidence, enfin sous ses présidences, la France se soit brouillée avec tout le monde dans le monde, que la diplomatie française soit une catastrophe, qu'il remplace le peuple français, qu'il dise une chose tout en faisant une autre, enfin c'est vraiment délirant le niveau de destruction et de nuisance qu'il apporte. Là, effectivement, et je pense que c'est l'objectif, il est très très fort. Il est très fort dans la méchanceté et la destruction. Je crois que les histoires de capotes, c'est réellement très très sordide. Parce qu'il ouvre la gratuité des capotes au moins de 18 ans, mais il dit pas à partir de quel âge. Ça veut dire que un gamin de très jeune peut aller demander des capotes à une pharmacie. À un moment donné, faut être plus clair dans l'ouverture de la gratuité. Il me semble tout à fait clair. J'espère qu'il y aura des ruptures de stock et que les gens ne pourront même plus trouver de capote dans les pharmacies. Au moins, ils verront ce qui se passe quand on établit un système communiste, on distribue des choses gratuitement. Oui, oui, puis il y a ça aussi. Oui, c'est vrai, il y a cette dimension-là aussi. On distribue le pognon Ça, c'est particulier, je dois dire. Et je pense que ça choque un certain nombre de personnes, pas dans le peuple, hein, je veux dire, mais quand même les observateurs économiques. Ils se disent, mais ça va où exactement ça, là? Parce que là, le tandem Macron-Le Maire, en gros, ils font des chèques à tout le monde. Dans des volumes jamais vus. Mais on se dit, mais attendez, mais il y a un plan, il y a une stratégie, etc. Et en fait, clairement, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y a pas de stratégie cohérente qui viserait à assurer à l'économie française un développement rationnel. Ce qu'on voit là, c'est des incendiaires en action. Ils sont en train de tout brûler. Et il y Oui, a puis une tu... intention derrière. Donc, parce que les gars sont là, mais on comprend, mais qu'est-ce qu'il y a? Macron, il est vraiment. Oh ben ouais, ben voilà, hein, il donne du pognon à tout le monde, la rose, etc. etc. Et je crois que l'intention est beaucoup plus malfaisante. Beaucoup plus malfaisante que simplement de la mauvaise gestion fiscale. Qui est en fait la théorie actuellement retenue. C'est en fait, voilà, bon, bah, il met de l'argent, il fait des chèques, voilà, bon, voilà, il gouverne un peu à vue, mais bon. Non, non, non, je crois que c'est vraiment l'incendie. Parce que quand vous voyez les masses d'argent qui sont empruntées, aucun ministre des Finances peut voir ça et avoir la tête froide. C'est impossible. D'accord? Vous regardez les volumes, vous dites, non, mais c'est. Bon, vous avez vu ce qu'il a cramé là en 6 ans, là, c'est 800 milliards, ça ne s'arrête pas. Bon, voilà, et tout est gratuit, quoi. Là, vas-y, on arrose, on a. Et c'est trop massif, trop soudain, trop exponentiel et trop soutenu pour être simplement le fruit d'une incompréhension. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Ces gens sont clairement dans une. Ils sont en train de détruire volontairement l'économie. C'est clair. Et si vous couplez ça à ce qu'ils font avec les sanctions avec la Russie, qui là non plus n'ont aucun sens économique, ça, c'est. Ça ne tient pas la route une seconde. Vous avez qu'à regarder, ils sont tous en train de s'alerter là. Ils disent, mais si vous voyez les petits entrepreneurs, notamment dans les boulangeries, ils disent, on peut pas payer la note, c'est impossible. Et personne ne semble s'inquiéter. Je veux dire, donc vous voyez la catastrophe, elle est en train de prendre forme. Et personne n'est en train de s'inquiéter réellement, quoi. Hein. Et les autres continuent, ils continuent, ouais, on imprime, on l'a fait, on emprunte, voilà, on distribue. Et alors, je ne crois pas du tout à la théorie de la légèreté. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, la théorie de l'incompétence, c'est comme, ça me fait penser au 11 septembre, oui. L'explication officielle, c'est l'incompétence. Voilà, tout le monde était incompétent, personne n'a rien vu. Voilà, c'est pareil. Mais bon, pour revenir à ces histoires de préservatifs distribués dans les pharmacies, en fait, ça veut dire que c'est gratuit pour tout le monde, parce que tu connais un mec de moins de 25 ans, tu lui dis, voilà, j'ai besoin, va en pharmacie, est-ce que tu peux aller me les chercher? Donc t'as pas besoin de payer, donc moi je vais pas te payer non plus. Et qu'est-ce qui empêcherait des mecs de 22, 23 ans pour rigoler de faire le tour des pharmacies, par exemple à Paris, et de prendre le maximum de paquets de capotes qui peuvent dans chaque pharmacie? Il y a quoi? Il va falloir qu'ils mettent des règles, il va falloir qu'ils rationnent. Ils disent, ah ben non, c'est un certain nombre pour un. Enfin bref, ça n'a ni queue ni tête, c'est complètement débile Si, si, comme. si, il y a, si, si, si, si, si, si, ça a un sens profond, c'est l'avilissement. C'est-à-dire, Oui. quand tu couples ça avec la constitutionnalisation de l'avortement, donc vraiment la culture de la dénatalité, c'est-à-dire on va tuer des bébés dans le ventre de leur mère, alors donc on dit, oui, on n'a pas de bras, on n'a pas de bras, le vieillissement, au secours, et puis vous les voyez, ils se précipitent alors non seulement ils ont foutu la momie de Simone Veil au Panthéon, hein, de la Juive Veil au Panthéon, mais en plus ils vous gravent ça dans le marbre. Vous voyez, alors qu'en plus, entre nous, on se dit, cette loi sur l'avortement, malheureusement, n'est même pas remise en question par personne, hein, je veux dire, même, et encore moins par Marine Le Pen. Donc, c'est vous dire que si ça ne risque rien. Et pourtant, on est dans l'exercice religieux, et ensuite, on dit, oui, mais on va donner les capotes aux gamins. D'accord. Donc, en fait, c'est cette fuite en avant qui est encouragée au plus haut sommet de l'État. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est évident. Donc, tu dis, oui, c'est le grand n'importe quoi. Alors, oui, ça, c'est certainement au plan financier du grand n'importe quoi. Mais et Macron prend le temps de faire sa vidéo et il dit banco en plus. Je veux dire, ah, tu m'as demandé des capotes gratuites, banco mon ami, t'as gagné, je te les donne, bravo. Voilà, vas-y, allez, hop, allez, on va faire des commandes, etc. Bon, bah, très bien, hein. Voilà, les producteurs de capotes sont enthousiastes. Mais, je veux dire, bon, c'est quoi cette image que ça renvoie, je veux dire, qu'est-ce que c'est que tout ça, je veux dire, qu'est-ce que... Oui, puis c'est un courage à la sexualité pour les enfants aussi, alors que, bon, c'est quand même extrêmement immoral, à mon avis, de pousser des gamins, parce que ça va être quoi, 12-13 ans, il paraît que maintenant, dans les collèges, ça y va à 12-13 ans, donc c'est ça qu'ils veulent, en fait, ils veulent encourager, ils veulent donner leur blanc-seing pour dire... Oui, bah c'est ça va, vous pouvez coucher les gamines à 12 ans, alors que on connaît les effets dévastateurs que ça a pour plus les enfants sont mis face à la sexualité tôt, moins ils auront tendance à former des familles saines, à se mettre en couple de longue durée, à être monogame, avoir des enfants et à les élever. Donc en fait, ils veulent vraiment détruire la nation sur ses fondements. Mmh. Ça, c'est clair que ça. De cet angle-là, ça fait complètement sens. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est effectivement ce que je disais plus tôt, c'est plutôt l'aspect financier et l'aspect un État, sans même parler des problèmes sociétaux, de l'avortement et ainsi de suite, un État qui veut quand même survivre, il faut quand même qu'il ait des finances qui tournent, il faut quand même qu'il puisse payer les fonctionnaires, les flics et ainsi de suite. Pour le coup, c'est une dépense de plus qui est complètement débile. Il y a également une campagne de publicité en ce moment qui est sortie par Santé Publique France pour rendre populaires ceux qui ont le sida, avec des slogans comme séropopulaire, séropopstar, séropossessif. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ça va en même temps. C'est la même. Derrière, il y a la même idée. Et je rajoute un dernier truc. En février 2022, je crois, les autotests de sida sont sortis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un y va, il prend un autotest, il rentre chez lui, il se teste, il peut savoir s'il a le sida ou pas. Alors, avec la fiabilité des tests qu'on a vus avec le Covid, prenez 10 tests, ça se trouve, il y en a un des 10, vous allez avoir le sida, quoi. Ça devient très, très grave. Après, il y avait le spectacle aussi, je veux dire, ça a été bien inauguré avec la fête de la musique à l'Élysée, je veux dire. Quand il s'est mis en scène avec carrément des travelots africains gigotants sur le perron de l'Élysée, je veux dire, c'est de la mise en scène, ça caractérisait bien l'état d'esprit de Macron, ce qu'il recherche. C'est un provocateur. Sa photo avec eux en train de ricaner, ouais. Une fois de plus. Est-ce que je leur mets les Français? Oui, c'est ça, voilà. Ah, c'est vieux con, qui comprend. Parce que Macron adhère profondément, attention, hein. Sa part de sincérité là-dedans, c'est qu'il adhère à ça. Il croit que c'est vraiment transgressif, quoi. Je veux dire, alors que c'est juste de la destruction pure. Mais il y adhère réellement, et ce qu'il aime bien, ce qu'il fait jubiler, c'est les réactions à ses provocations. C'est ça qui lui tire ce sourire-là. C'est là que ça, voilà, il en est extraordinairement content. C'est une fuite en avant, et il y a rien qui va l'arrêter, parce que je crois qu'il identifie ce travail de sabotage, d'accélération de la destruction. Lui ne voit pas ça comme ça, c'est pour lui, en fait, il n'est pas en train de détruire, il est en train de reconstruire, c'est-à-dire que c'est le travail de destruction qui annonce la reconstruction, d'accord. Et détruire Notre-Dame, c'est détruire la structure spirituelle de la France d'avant, d'accord. Je la brûle, je reconstruis une nouvelle structure. Donc il y a cette espèce de morgue, d'arrogance de celui qui croit qu'il est, en quelque sorte, le maître des horloges. Hein, voilà. Bâtisseur du temple. Voilà, il fait les volontés du grand architecte de l'univers. Voilà, il se voit comme ça, là, comme celui qui va accoucher de l'œuvre. Hein, voilà, c'est ça. Et là, on voit à quel point, d'abord, cet homme est creux. Parce qu'il est creux. Hein, et... voilà, enfin, on voit le personnage, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, les gens ont du mal à comprendre ça, je pense. À quel point cet homme est néfaste, individuellement. Il se prend pour la bête de l'événement. Ah oui, il y avait eu cette sortie-là aussi, oui. Mais il en fait tout le temps. Là, il a dit aux États-Unis que les Français n'étaient pas des cobayes. Le toupet pour sortir un truc pareil, il faut vraiment être sacrément culotté après avoir poussé les gens à se faire vacciner pour des vaccins qui étaient pas testés en Europe, qui étaient testés aux États-Unis sur des groupes qui étaient tous aux États-Unis. Tout était fait aux États-Unis. Il n'y avait pas eu d'autorisation formelle et de processus. Comme pour tous les autres vaccins, et il a quand même trouvé le moyen de dire que les Français n'étaient pas des cobayes après les avoir transformés en cobayes pendant un an et demi, enfin, voire plus 2 ans, le temps de la période de Ça vaccination. continue, hein. Brown, Ça il continue. veut piquer encore là. Ils étaient tous avec leur masque cette semaine à l'Assemblée, donc ils essayent de remettre une pièce dans le cirque. Je pense qu'ils sentent que la température ambiante monte, donc là on va essayer de faire peur. Alors là, il y avait la triple charge, hein. Il y avait je crois qu'il y avait la grippe, il y avait je sais plus quoi, il y avait la bronchiolite, on en avait trois pour une. Voilà, alors les gens allaient périr de, je... Bon, voilà quoi. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un de vraiment il est malfaisant et léger dans sa malfaisance. Donc quand les gens disent il veut détruire la France, il faut être plus précis dans le terme. Dans son idée, c'est détruire pour construire autre chose sur les ruines, qui est cette société dystopique proprement infernale que tous ces cercles de pouvoir veulent mettre en place, hein. Mais lui, à laquelle il s'identifie totalement, je veux dire, il s'identifie totalement à ça, et il pense que c'est la voie nécessaire, si vous voulez, hein. Donc, c'est la légèreté et l'inconscience dans la malfaisance. Et la satisfaction de soi-même, ouais, voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'adore quand même, hein. Donc voilà. Donc, il y a un vrai travail de destruction. Donc là, l'empilement des dettes qui paraît complètement délirant, en fait, il est voulu. Il est voulu, hein. En fait, ils empruntent comme des fous parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rembourser. Et il y a l'idée de reconfigurer l'économie française. Donc voilà, j'en ai parlé, donc je ne vais pas redire, mais il y a cette volonté-là. Ils envoient en fait volontairement au tas l'économie française. Il y a une volonté de sabotage évidente. Ils veulent la reconfigurer pour la restructurer selon le programme de Davos, d'accord? Il y a des pertes qui sont prévues. On va maquiller ça sous le fait d'un défaut de paiement généralisé, etc. Non, il y a une intention très réelle, très très réelle. Si le défaut de paiement les inquiétait, depuis un certain nombre d'années, ils auraient arrêté d'emprunter comme ils ont fait. Or, plus ça va, plus ils empruntent. Donc c'est des gens qui suivent évidemment. Ben, ils sont en train de préparer leur euro numérique là, ils veulent ça pour 2024, donc il faut que Voilà. d'ici là, l'euro classique, l'utilisation du cash soit complètement annihilée, que les gens ne puissent plus utiliser leur argent Ouais. liquide notamment, donc il faut qu'ils puissent passer totalement sur la blockchain et leur euro numérique là, qui sera géré par les banques centrales avec de l'argent en fait à expiration, À comme ce expiration, qu'ils sont ouais. en train d'expérimenter en Chine. Et donc l'idée, bah, c'est que comme ils auront complètement mis l'économie dans le mur avec des dettes qui auront explosé, ils reviendront avec une sorte de reset monétaire, une réinitialisation monétaire avec leur monnaie de blockchain. Alors, toute la question est de savoir si les gens vont accepter ça, parce Oui, que oui, oui. ça va être binaire en fait. C'est est-ce que les gens sont d'accord ou les gens ne sont pas d'accord Ils avec vont être ça? d'accord à Et, hauteur du nombre de gogoles qui s'est fait vacciner. ben, on verra bien combien. Parce que le truc, c'est que bon, j'en ai déjà parlé dans une émission, mais quand on prend quelque chose de durable, comme par exemple l'or, si quelqu'un vous dit, voilà, pour telle transaction, je vous donne une pièce d'or, plutôt que de vous payer en blockchain, enfin en monnaie euro numérique, comme ils appellent ça, et que la personne accepte, et ben voilà, vous faites la transaction, vous déclarez rien de chaque côté, et la personne qui reçoit de l'or a tout intérêt à prendre de l'or, puisque elle n'est pas forcée de le dépenser, c'est pas de l'argent qui est à expiration. Donc il y aura toujours quand même cette possibilité, tant qu'il y aura des gens qui auront des biens durables à échanger, il y aura la possibilité de s'échanger ça, et donc bah, il y aura quand même de plus en plus, à mon avis, un marché parallèle qui va se créer, mais effectivement, toute la question sera de savoir quelle taille et quelles modalités vont s'imposer. Donc, en fait, c'est la seule explication rationnelle au fait qu'ils soient en train de claquer comme ça, oui. De claquer le système et de détruire l'économie. C'est oui. qu'ils ont besoin, d'un chaos économique pour oui. pouvoir remplacer les structures d'antan. Bah oui, la blockchain qui propose, enfin leur crypto-monnaie. Ça n'a rien à voir, puisqu'elle est, elle est altérable. Ils sont en train de se préparer, parce qu'il y avait le cahier des charges qui a été publié par la Banque d'Angleterre il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, pour leur propre crypto-monnaie gouvernementale. Alors, la partie intéressante, c'est que normalement, une blockchain n'est pas altérable. Or, ils avaient spécifiquement demandé dans leur cahier des charges à ce qu'elle soit altérable. Donc, typiquement, qu'elle puisse être à expiration ou que le gouvernement puisse intervenir sur des transactions pour les stopper. Donc, c'est-à-dire, en gros, en pratique, de pouvoir empêcher un tel d'acheter quelque chose pour acquérir un type de service ou au contraire pour utiliser un type de site internet. Enfin, vous avez compris quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement pouvait intervenir dans les transactions pour les stopper. Ça n'a rien à voir avec la philosophie qui se trouve derrière le Bitcoin ou Monero. Je veux dire. L'intérêt, c'est que ce ne soit pas altérable. Or là, c'est la demande spécifique. Alors, il y a l'expiration et ensuite, il y a les conditions. Les conditions des transactions. Donc, vous imaginez ce que ça donnerait. Il n'y aurait qu'une monnaie numérique émise par la Banque Centrale Européenne. Elle serait à expiration pour vous forcer à dépenser, puisque, en fait, pour tuer l'épargne, bon, keynésianisme à outrance rendu enfin possible par les moyens technologiques, et tyrannie consommée, puisque là, on peut décréter votre mort sociale, c'est-à-dire qu'on peut vous empêcher d'acheter des choses, simplement sur la base de votre identité, par exemple. Ouais. Alors, si ce n'est pas d'acheter tout ce que vous voulez, c'est d'acheter certains produits, ou dans certains endroits, ça peut être géographique. On peut vous interdire, on peut bloquer, en fait, votre... accès à la blockchain dès que vous sortez d'une zone géographique. Tout ça pourra être programmé. Donc vous imaginez en quoi on bascule. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont mettre en place. C'est ce qu'ils vont mettre en place, il ne faut pas en douter un seul instant. Alors est-ce que ça sera fait en une seule fois, en une année, en 5 ans? Est-ce que ça se produira facilement sans aucune résistance? Voilà, c'est l'inconnu. Oui, aux États-Unis, ils sont en train d'envoyer des ballons d'essai là, parce que je lisais cette semaine qu'il y a certaines banques qui se sont mises à bloquer les transactions pour les vendeurs d'armes. Donc, des gens allaient chez l'armurier, achetaient une arme, enfin voulaient acheter une arme, et leur carte de crédit ne fonctionnait pas. C'était écrit que pour ce genre de transaction, la personne n'a pas l'autorisation de faire cette transaction. Donc déjà, ils commencent. À venir dans ce sens-là, sachant que les armuriers en question, les vendeurs d'armes étaient tout à fait légaux, tout à fait déclarés, la transaction était légale, sauf que la banque se permettait de mettre sa caution. Donc ils regardent, en fait c'est des choses qui sont jamais faites au hasard quand on voit ce genre de cas apparaître, ils observent les réactions de la population. Est-ce que les gens réagissent? Est-ce que les gens sont outrés et en fait c'est toujours pour essayer de trouver le meilleur angle d'attaque quand ils font ça. C'est pas si quand ils font semblant de reculer, c'est pas pour véritablement reculer, ils sont sincèrement désolés. C'est qu'ils ont testé cet angle-là, ils se sont rendus compte que la résistance était trop forte, donc ils vont revenir sous un autre angle. Et par exemple, PayPal, qui s'était fait épingler, bah, le public l'avait cloué au pilori parce qu'ils avaient mis dans leurs conditions d'utilisation qu'ils s'octroyaient le droit de prendre 2 500 $ pour chaque fausse information que leur utilisateur propagerait sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ça reste quand même assez bizarre, parce que est-ce que PayPal suit les gens sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il vérifie quel genre d'informations il propage? Mais enfin, bref, dans tous les cas, les gens étaient très mécontents, donc ils ont fait mine de revenir en arrière, mais 3 semaines ou 1 mois plus tard, ils sont revenus, ils ont remis la clause des 2 500 $ d'amende pour fausses informations dans leurs conditions d'utilisation. Donc en fait, ils ont attendu que ça se tasse, et puis quand ils ont vu qu'ils allaient pouvoir quand même le faire, bah, ils l'ont fait. Et bah, c'est pareil, ils vont faire des ballons d'essai, donc vous verrez des choses comme ça, des gens qui voudront acheter trop de viande, par exemple, dans un magasin, ils verront leur carte de crédit refusée d'ici, j'imagine, l'année prochaine. Des gens, bah, Olivier Delamarche a fait dans Bistro Liberté, là, que j'ai trouvé très intéressant, il a expliqué que des gens viennent à la banque pour dire j'aimerais retirer de l'argent car j'aimerais acheter de l'or chez un vendeur réputé, donc une transaction tout à fait légale, quelque chose qu'ils ont le droit de faire, et la banque dit simplement non. Voilà, non, on ne vous donne pas votre argent. Et face à l'absence totale de raison, le client de la banque a dû venir avec huissier et avocat. Et visiblement, ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à avoir l'argent, à récupérer ses sous. Et c'est des cas qui sont en train de se généraliser en France. Aux États-Unis, il y a le cas spectaculaire du Liban aussi, les gens qui n'ont plus le droit de prendre leurs sous des banques parce que le Liban est en faillite totale et les banques sont en faillite totale. Donc, des gens qui avaient déposé des dollars ne peuvent plus partir avec leurs dollars. Enfin bref, le système financier est en fait insolvable actuellement et, oui. Et les choses vont de mal en pis. Et donc, ils vont devoir cacher la faillite et venir avec une solution quand ce sera plus possible de la cacher. Absolument, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, on va parler démographie, on va aller vers l'Allemagne. Je me suis dit quand même que c'est important de s'intéresser à ça, parce que c'est tout sauf anecdotique. Ce ne sera pas une découverte pour nos auditeurs, mais il faut suivre ces évolutions de près, il faut suivre cette politique de près. Dépêche Reuters, depuis Potsdam. Le gouvernement, donc allemand, hein, s'efforce d'attirer des travailleurs étrangers afin de faire tourner la machine malgré le vieillissement de la population, ce qui rend plausible une augmentation de la population estimée à 7% de plus, donc un accroissement de la population allemande de 7%, soit 90 millions d'habitants en 2070, a déclaré M. Scholz lors d'un forum de citoyens donc à Potsdam, près de Berlin. Aujourd'hui, la population allemande représente à peu près 81 millions, 82 millions d'habitants. Donc, il se propose de l'accroître d'environ 8 millions hein, d'ici 2070. Alors, ça fait loin. Quand on met ce genre de date, c'est flou. On se dit, oula, oui, on a le temps de voir venir, etc. Mais ça donne quand même un cap, ça donne une orientation générale. Alors, le mois dernier, le gouvernement allemand a adopté des plans de réforme de la loi sur l'immigration, Berlin cherchant à ouvrir le marché de l'emploi de la plus grande économie d'Europe aux travailleurs étrangers dont elle a tant besoin. Alors oui, alors notamment le gouvernement compte en fait naturaliser tous les Syriens et apparentés, hein, voilà, qui ont envahi le pays en 2015 en fait. Donc ils vont changer les lois de la nationalité pour, ça va être la savonnette à vilain, hein, pour transformer en allemand de papier toute la pouillerie qui est arrivée, là, les 1 ou 2 millions d'allogènes qui ont forcé les frontières du pays. Avec l'aide d'Erdogan, faut-il le rappeler, en 2015-2016, et depuis, bien évidemment. Le gouvernement allemand a déclaré vouloir donc stimuler l'immigration et la formation professionnelle afin de remédier à la pénurie de compétences qui pèse sur l'économie allemande à un moment où la croissance faiblit et où le vieillissement de la population exerce une pression sur le système public de retraite. Nous y voilà. Monsieur Scholz a déclaré que la croissance démographique actuelle, due en partie à l'augmentation de l'immigration, signifiait que le gouvernement pourrait ne pas augmenter les cotisations de retraite avant la fin de son mandat en 2025. Donc, sous-entendu, on ne va pas demander aux actifs de cotiser plus d'ici 2025 grâce à l'immigration. Vous avez vu, c'est positif l'immigration, c'est ça le message envoyé par Scholz. L'Office allemand des statistiques, pardon, a déclaré la semaine dernière que la population augmenterait probablement d'un million de personnes pour atteindre 84 millions cette année en raison de l'immigration en provenance d'Ukraine. Elle pourrait atteindre 90 millions dans les décennies à venir si l'immigration est élevée, a-t-il ajouté. Bah déjà, 84 millions, passé de 83, nous dit-il, à 84 en un an. C'est déjà très rapide, hein, donc vous voyez, on nous dit 2070, je ne sais pas, c'est bon. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, en 2021, il y avait en Allemagne 81,5 millions d'habitants. Donc là, ils sont à 83 millions, ils vont aller vers 84, donc c'est vous dire si ça augmente vite. Donc 82 millions d'habitants en Allemagne en 2021, dont 64 millions étaient d'origine allemande. D'accord. Sur les autres 16 millions, il y avait 9 millions de personnes d'origine européenne, Balkans, Russie, Pologne, etc. Et 7 millions d'origine extra-européenne. D'accord ? Donc, c'est essentiellement à ce stade une immigration européenne. Donc, ça vient d'Italie, ça vient de Grèce, ça vient des Balkans, comme je l'ai dit, ça vient vraiment de toute l'Europe pour aller travailler en Allemagne. Donc, ce qui explique pourquoi il y a une large part de cette immigration qui est européenne à ce stade. Mais il y a quand même 7 millions de non-européens. Turcs, orientaux de Syrie, Pakistan, il y a aussi des Noirs d'Afrique de plus en plus. Alors, chez les moins de 5 ans, seulement 65% des enfants sont d'origine allemande en 2021. Donc, je me suis amusé à un petit exercice pour vous donner la mesure des choses. Combien y a-t-il véritablement d'Allemands en Allemagne? Ben, vous le savez, c'est 64 millions, c'est ce que j'ai dit. Mais combien y en aurait-il à l'horizon 2065? Horizon évoqué par Scholz. Comment le savoir? Ben, c'est simple, on prend les statistiques prévisionnelles du Japon, qui est un État qui n'a pas eu recours à l'immigration de masse depuis 50 ans. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans le futur, mais en tout cas, on a l'expérience d'un État industriel qui a eu un indice de fécondité proche de ce qu'on retrouve en Allemagne et dont on voit l'évolution dans les statistiques et dont on a les prévisions les plus officielles qui sont émises par le gouvernement. Donc on peut comparer. On peut comparer. Et si on ramène les statistiques japonaises aux statistiques allemandes, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit ceci. L'Allemagne passerait, si elle n'avait qu'une population autochtone, l'Allemagne passerait de 64 millions d'habitants en 2021 à 42 millions d'habitants en 2065. Donc, faites la déduction. Quand on nous dit qu'il va y avoir 90 millions d'habitants à l'horizon 2070, c'est une projection, bien sûr, mais il va y avoir 90 millions d'habitants en 2070 en Allemagne, il faut bien comprendre qu'il y en aura 50 millions qui ne seront pas allemands. 50 millions qui ne seront pas allemands. Alors, resterait à déterminer sur ces 50 millions qui serait de quelle origine. Là, je ne m'avancerai pas parce que ce serait de la politique fiction, mais si on s'en tient aux seules déclarations du chancelier allemand, voilà vers quoi on va en Allemagne. Hein, voilà, pour, nous dit-on, sauver le système de retraite qui semble être le seul horizon possible aujourd'hui dans le monde occidental. C'est-à-dire que, grosso modo, une fois qu'on... C'est le seul sujet qui semble compter, hein, voilà, c'est sauver le système de retraite, en tout cas c'est ce qu'ils veulent bien nous dire. Voilà. Alors je vous donne la parole, qu'est-ce que ça vous inspire ces chiffres? Alors les déclarations de Scholz d'une part, les projections qu'il donne, une fois comment dire, recontextualisé avec les informations que j'ai données, en sachant la vraie part des autochtones dans ces prévisions. Qu'est-ce que vous voulez en dire? D'abord, est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va se produire? Et sinon, qu'est-ce que vous voyez à la place à devenir en Allemagne? Comment vous voyez ça? Ben, moi, je trouve que mettre en avant ce prétexte économique et ses projections, c'est malhonnête. On a un peu le même cas en France avec les métiers sous tension. Ils nous disent, ben, sous prétexte économique, ben, on va faire venir des millions et des millions d'extra-européens. Bon, ça s'inscrit d'ailleurs dans le traité de Marrakech, hein, qui prévisionne des dizaines de millions de non-européens en Europe. Et je trouve ça malhonnête parce que de dire, si on se projette en comparant avec les Japonais, d'accord, sauf que si on retire l'avortement et tout ce forcing pour métisser les peuples, ben, pourquoi faire des projections à 1,3 enfants par couple? Pourquoi pas revenir à ce qui se faisait autrefois avant que les populations soient empoisonnées par les vaccins et ce genre de choses? Donc voilà ce que ça m'inspire. C'est malhonnête et ben, c'est pas étonnant de leur part. Jean. Oui, ils se comportent comme toujours comme des administrateurs coloniaux qui voient en fait les Européens comme des sujets interchangeables qu'il faudrait potentiellement compenser parce que ceux-ci font pas d'enfants, alors faisons venir autre chose. C'est vraiment des gens déracinés sans aucun lien avec le peuple qui sont censés représenter, qui sont censés diriger. Et ça m'étonne qu'il y ait encore, que ça continue de passer, cette pilule de l'économie, voilà. Ça fait depuis au moins les années 70 que pour des histoires économiques, on nous vend l'immigration. Bon, là, ça va faire faire 50 ans, ça commence à bien faire ces histoires. Non, ça ne permet pas à l'économie de se maintenir. Les populations, le cas du Danemark est quand même assez éloquent. Ils ont fait des calculs. Les populations étrangères immigrées ne contribuent pas au système. Voilà, point barre. Ça sert à rien de justifier le remplacement de population par des contributions potentielles au système que feraient ces populations immigrées. C'est faux. Donc, quand des gens s'intéressent aux statistiques, mais bon, c'est interdit de s'intéresser à des statistiques parce que forcément il y aurait des questions de race et d'origine, au moins d'origine nationale, qui seraient mises en jeu. Et alors là, ce serait de la discrimination, ce serait méchant, pas bien. Et puis bon, bah, comme le dit Dromel, ce qu'il faudrait, c'est stimuler la natalité des populations de souche. Si on veut sauver les systèmes de retraite, le système social, et qu'on a besoin de cotisants, on a besoin de gens. Bon, déjà, c'est quand même une manière de penser qui est assez immorale, à mon avis, de Bah, dire. d'enculé de boomer, hein, on peut le dire. Ouais. Alors, bon, les boomers, si à la limite ils avaient fait plus d'enfants en se disant ils vont payer nos retraites, on pourrait leur pardonner, parce que je dirais, ouais, c'est sûr que ça, dans l'histoire humaine, ça a toujours été plus ou moins un souci de se dire, voilà, mes enfants s'occuperont de moi. Mais ils n'ont même pas fait d'enfants. Donc, cette idée de se dire, on ferait des enfants pour qu'ils cotisent pour nos retraites, déjà, je ne trouve pas que ce soit top, mais alors, le pire du pire, c'est vraiment de dire. On va faire venir des métèques pour qu'ils payent nos retraites. Alors là, mais bon, Et c'est le leitmotiv de la CGT, comment dirais-je, de FO. Et tu sais, quand tu écoutes les représentants des syndicats, et surtout des syndicats de fonctionnaires, ils répètent tous la même chose depuis des années. Qui va payer nos retraites? Sous-entendu, les Africains. On va les faire venir, on va les faire bosser. Donc, il y a le discours qui est servi par les médias pour essayer d'habiller ça d'un vernis humanitaire et de générosité. Puis en pratique, il y a un énorme calcul économique qui est erroné, tu l'as bien dit, qui en plus est fondamentalement immoral, ça c'est le deuxième point. Mais il faut bien comprendre que les intentions, ce qui anime les groupes de pression qui encouragent à cette immigration de masse, c'est du pur cynisme. À tous les étages. Il n'y a aucun moment, c'est une question d'être tolérant, d'aimer les frontières ouvertes ou quoi, hein. C'est vraiment, voilà, on a besoin de larbins. On a besoin de larbins. Il faut qu'il y ait des cotisants, des actifs pour sauver notre système de retraite et tout le système par répartition, pour sauver notre sécurité sociale. Vous voyez, c'est... Ouais, mais le truc, c'est que ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est que c'est l'arroseur arrosé. Ces gens dans les syndicats qui viennent demander à ce qu'il y ait de plus en plus de métèques dans les entreprises et qui viennent travailler en Europe, en fait, ils ont des syndicats qui sont en train de disparaître. Tu l'as dit, FO, la CGT, ils ont presque plus de gens qui sont syndiqués parce qu'en fait, ils ont fait des études aux États-Unis, ils se sont rendus compte que le taux de syndication était proportionnel à l'hétérogénéité raciale. Donc, plus vous avez une entreprise racialement hétérogène avec des gens à peu près de la même classe sociale, à peu près des mêmes traditions sociales, on va dire, ils auront tendance à se regrouper en syndicats et à défendre leurs conditions. Alors que quand on a des systèmes de diversité, comme ils appellent ça, avec des métèques et des blancs et des homosexuels et ainsi de suite, eh ben ça ne marche plus. Les syndicats ne fonctionnent plus parce que il y a plus de le dénominateur commun est plus suffisant pour que les gens se regroupent en syndicats. Donc d'ailleurs, les grandes entreprises poussent à la diversité en partie pour ça, parce que les gens, quand il y a de la diversité, ils sont plus dociles, ils s'ouvrent pas, et bref. Donc en fait, ces gens scient une fois de plus la branche sur laquelle ils sont assis. Bon, maintenant, de toute façon, les syndicats, c'est anecdotique, hein, pour ce que ça vaut. Oui, mais eux, ils se disent que l'alternative, c'est la faillite, quoi. D'ailleurs, c'est la question, hein. En fait, c'est la faillite du système keynésien, hein. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on va dans une version dure, une version collectivisée, mais qui n'est pas une version intégralement étatisée. C'est la version de Davos vers laquelle on va. Donc, il y a bien une version autoritaire, il y a bien une version bureaucratique, il y a bien une réduction massive des droits fondamentaux naturels, j'allais dire, des personnes, notamment du droit de propriété. C'est-à-dire que si vous êtes un simple citoyen, on va s'en prendre à votre droit de propriété pour renforcer, entre guillemets, le droit de propriété des très grands oligarques. Ce ne sera même plus des droits de propriété, ce sera carrément le droit de servage, quoi. Donc, c'est parce qu'au fond, c'est ça. C'est une forme hybride entre le soviétisme et le capitalisme dans sa forme la plus brutale, quoi. Hein, je veux dire, parce qu'au fond, poussé à sa logique extrême, ces deux extrémités se rejoignent, quoi. Voilà. Donc, c'est Amazon, c'est le monde Amazon, c'est vers ça qu'on va. Quand vous n'êtes pas là-dedans, dans la terreur climatique, la terreur covidiste, on vous détend un petit peu avec du football. Hein, voilà, allez, on met une baballe, le troupeau oublie tout. Ok, donc, je sais pas, il faut regarder les prix de l'alimentaire, c'est hallucinant, je veux dire, quand même, ce qui se passe dans les... Alors, je sais bien, c'est pas la Somalie, encore la France. Enfin, je pense que les foyers les plus modestes doivent sentir passer quand même l'augmentation des prix de l'alimentaire. À mon avis, il y a certains foyers qui souffrent quand même là. Hein. Les gens qui sont vraiment à 50 euros dans le mois près, ils doivent souffrir, à mon sens. Hein. Bon, on leur balance une balle, et il faut dire ce qu'il y a, ça marche. Hein, ça marche. La plèbe arrête de réfléchir. Si elle se mettait à se poser 2-3 questions, hop, on oublie. Et on y va, quoi. Voilà. Alors là, on leur met leur équipe de France. Et là, on fait courir ce qui n'est jamais que de l'élevage aussi, hein, tous ces joueurs de foot. Alors, très bien payés, mais c'est de l'élevage. Hein. Voilà, on les fait cavaler, tape dans la balle, et ça excite les mecs. Hein, voilà. Donc là, on passe rubrique Coupe du Monde pour commenter un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, juste en préambule, juste sur cette gestion de la population, justement, en excitant les gens avec leur... avec le ballon rond? Ah ben oui, ça excite les gens. On l'a vu avec le match Maroc-Belgique, quand les Marocains ont vaincu la Belgique, bah ils se sont empressés d'aller retourner les voitures et y mettre le feu dans les rues de Bruxelles. Donc ça laisse présager pour mercredi prochain le match France-Maroc des scènes assez révélatrice de ce qu'est l'état racial en France et l'état de colonisation en France. Imaginer un scénario où les Marocains perdent, parce que de toute façon, peu importe le score, au final, il y aura des voitures brûlées, qui gagnent ou qui perdent. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais on peut imaginer les Marocains perdent, et être plus nombreux sur les Champs-Élysées que les Gaulois qui vont pas oser aller affronter la violence. Ah oui, forcément. Et oui. Et donc c'est quand même une scène qui, si elle a lieu, est importante à voir, mais elle sera pas nécessairement diffusée dans les médias, parce que faut pas forcément que les gens du fin fond des campagnes entourés de blancs en prennent conscience. Mais à mon avis, cette scène, si elle a lieu, ça va être très révélateur du véritable état de remplacement. Donc c'est extra, c'est en dehors du sport, c'est politique. Bon, ouais. Voilà ce que ça m'inspire. On va en parler, hein, sur la perspective. Mais Hydromel ou Jean, avant de parler là-dessus, mais toujours dans le conditionnement des masses, entre guillemets. Le football, je vous dis, hein, c'est ce qui est le plus efficace. Les jeunes adorent ça. Pas rien à faire. Est-ce qu'il y a un engouement, d'abord pour la Coupe du Monde en France, d'après ce que je vois des chiffres de téléspectateurs? Apparemment, oui. Ça n'a pas l'air de se démentir. Exception en Europe, d'ailleurs, parce que j'ai vu les statistiques au niveau du nombre de téléspectateurs que cumulent les différents pays. Et en fait, la France est une exception depuis le début de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que il y a un recul très net du nombre de téléspectateurs dans toute l'Europe pour la Coupe du Monde, comparativement à l'édition précédente qui avait lieu en Russie. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce que c'est la campagne de haine homosexuelle qui se déverse contre le Qatar? Je n'en sais rien. Bon, mais il y avait un recul, sauf en France, où ça performe aussi bien. Donc, les Gaulois sont contents. Ils regardent ça. Alors, je m'en demande, du coup, s'il y a la... Si, bah, si les Gaulois, ils aiment leurs nègres. Est-ce qu'ils aiment leurs nègres? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que oui, non Oui, ils veulent du nègre qui court, ils veulent pouvoir siroter des bières et regarder des nègres français, pure souche, pur sang, vraiment d'extraction française, courir tels des tirailleurs sénégalais sortant d'une tranchée en 17. Ça les excite, ils ont envie de ça, ils veulent sentir l'empire colonial français qui perdure, qui persiste, malgré les racistes, malgré la droite qui... Oula, oula, laquelle? Laquelle? Non, la droite des crypto-fascistes sur Twitter, pas celle du Parlement. Ah, tu dis des gens qui crachent dans la soupe, les mauvais voilà, Français, les voilà. Traîtres. Oui, oui, oui. Oui, les pisse-vinaigres, les voilà. Mauvais coucheurs, quoi. ces gens-là, on ne comprend pas pourquoi ils prétendent encore avoir un passeport français. C'est ça, oui, bah, on sait très bien, ils auraient collaboré en 1940, hein. Hein, oui, oui, ils ont pas compris ce que c'était que la République, les valeurs humaines, universelles. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est pathétique. On les voit encore tout contents célébrer les victoires quand leur équipe d'esclaves. Leur équipe d'esclaves a couru. Parce que tu dis, ils sont bien payés. Oui, mais s'ils étaient bien payés, qu'ils faisaient des choses intelligentes avec leur argent, là, ça pourrait poser problème, du style, je sais pas moi, faire des investissements que l'État ne veut pas voir. Ah bah là, ils seraient pas sélectionnés, hein, à mon avis. Ah oui. Mais donc, en fait, ils achètent tout le temps des conneries, des trucs ultra, enfin, des bagnoles, ils font les hyper consommateurs du 21e siècle, donc là, ça va, ça c'est bon, on peut leur donner du fric, de toute façon, ils vont rien en faire, donc... Oui, bah, quand tu regardes les passions d'un footballeur moyen, c'est quand même affligeant, hein. Y en a quand même quelques-uns... C'est pas de la jalousie, hein, moi je veux dire, y a pas de problème, hein, mais un gars qui est riche, qui va avoir une, je sais pas, une Lotus, une Porsche, je suis très à l'aise avec ça, c'est pas un problème, on a le droit d'aimer les belles bagnoles, on a le droit d'aimer les collectionner, mais enfin, c'est quand même un peu redondant, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes hobbies, ils ont tous les mêmes modes de vie, et c'est d'ailleurs des modes de vie chiants, en fait, c'est des modes de vie de zonards de banlieue, souvent, simplement, le cadre est plus agréable, c'est-à-dire qu'ils ont des grands apparts, hors de prix, en bord de mer, ok. Ils n'ont pas un voilet islamique, ils ont un espèce de truc, généralement ça dépend lesquels, mais alors les nègres ont des blanches. Hein, des blanches. Voilà, mais bon, les arabes, ils ont quand même plutôt des beurettes ou des nanas un peu latino, truc bizarroïdes, c'est plutôt leur type, quoi. Bon, type méditerranéen en général, mais bon, je veux dire, siliconés à outrance, machin, lince. Et des grosses bagnoles, ok, bon, tu dis d'accord, ok, très bien, ils ont ça, et ensuite, bah ensuite rien, ils font c'est toute la journée, ils sont devant leur PS5, ils jouent au foot, quoi, parce que tu sais, en plus, quand ils sont pas sur le terrain, ils jouent au foot à la télé, tu sais, sur leur console de jeu. Et tu dis merde, en fait, ils ont des vies de zonards, mais avec des centaines de millions d'euros, enfin, pour les vraiment. Ah ouais, c'est des dealers de drogue qui ont réussi avec de l'argent légal, voilà, c'est tout, hein. Y a rien de plus ni moins qu'un dealer de drogue pendant ses passe-temps qui bah voilà, il joue à la play, ouais. il fume je sais pas trop quoi. Ouais, c'est vous avez qu'à regarder. Moi, j'ai souvent vu des vidéos comme ça de footballeurs dans leur vie perso. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Gros, c'est ça leur vie privée. Et alors, et souvent, quand il y en a un qui fait la une, c'est passé des frasques de zonards de banlieue, quoi. Le mec, il a tabassé son chien ou sa femme ou les deux. Ouais, ou il a fait une vidéo TikTok où il insulte son entraîneur, ou je crois que c'est Aurier, un nègre comme ça, qui avait fait une vidéo pour insulter Blanc. Et il avait traité de fiotte Laurent Blanc. Pas totalement volé, mais ouais, parce que Laurent Blanc traîne une réputation de raciste, faut le savoir. Bah avec un nom pareil. Non, mais à cause d'enregistrements qui avaient été subtilisés lors de réunions, en fait, où ils disaient, bon, les gars, à Lyon, on est avec des nègres, il faudrait peut-être un petit peu divers. Oh, ça avait mis le feu à la plèbe. C'est pas lui qui avait dit que les critères de sélection encourageaient la sélection de grands noirs musclés si, parce si, que c'était leur critère on le sait, et que s'ils ouais. changeaient les critères, ils pourraient prendre des blancs techniques parce que voilà, c'est ça, la différence. Et oui, mais pour ça, c'était un scandale absolu qu'il ait dit ça, en plus en privé. Oui, parce qu'en ça plus, sous-entend. Ils avaient obtenu ça par. Par ruse, ils avaient obtenu l'enregistrement par ruse, c'était pas une déclaration publique. Ouais, et ouais parce que quand il dit ça, ça sous-entend en fait que les blancs ont plus de finesse. Alors ça, ils pouvaient pas l'accepter en fait. Non, mais ça sous-entend surtout qu'il y a des différences raciales, et ça, c'est totalement inacceptable ouais. dans le climat en France. Il faut surtout pas dire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à un métec à l'étranger dans d'autres circonstances, et le mec était ultra choqué que quelqu'un ait pu dire qu'effectivement certains critères de sélection pouvaient encourager de sélectionner des grands noirs musclés. Voilà. C'est pas possible. Il y a aussi des blancs qui sont grands et musclés, donc les critères de sélection n'auraient pas pu sélectionner. Enfin bref, ouais, tout ouais. ça pour dire que dès qu'on met les pieds dans des histoires de différences raciales, parce que oui, en Afrique il y a des ethnies, ils sont grands et ils sont musclés. Voilà. Il y a d'autres ethnies où ils courent, les Éthiopiens, les Kényans, là ils peuvent courir des dizaines de kilomètres sans faiblir. Voilà, c'est des caractéristiques ethniques. Par contre, on les met dans une piscine et ils coulent comme une pierre. Bon, c'est comme ça. Il y a un moment, faut accepter. Ça, c'est des pures différences physiologiques. Les blancs sont bien meilleurs à la natation que les noirs. Après, sans même parler de QI, je veux dire. Que les gens soient gauchisés au point de refuser de parler de différences physiologiques, morpho-physiologiques, c'est délirant. On a affaire à des religieux, extrémisés. Et donc, je me demandais en fait s'il y avait un engouement réel pour cette équipe-là. Bon, c'est les tenants du titre, je crois, l'équipe de NEC de Macron, là, donc. Donc voilà, ils sont en demi-finale contre le Maroc. Donc je me demandais, est-ce qu'ils... Oui, alors comme ils sont les tenants du titre, évidemment, et puis comme le nationalisme français est antiraciste, par construction, depuis les grandes proclamations de 1789, et que après 250 ans, pratiquement, ça a fini par rentrer dans le câblage du français moyen, je veux dire, rien à faire. Au bout d'un moment, il y a un blocage. Quoi. La machine, elle bloque, quoi. Hein. C'est hop, là. Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah non, t'as parlé de race. C'est le mec, il a bloqué, il marche plus. Hein. Voilà. C'est comme ça aussi. Enfin, vous foutez du sable dans un réservoir. Ça fait, il se passe des trucs bizarres, quoi. C'est pareil. Voilà. Je note que dans cette équipe de France, il me semble, sauf si je dis une connerie, qu'il y a zéro maghrébin depuis que Benzema n'est plus là. Avant, il y avait Fekir, il y avait Adil Rami en 2018. Donc, quand même, c'est pas anodin, c'est-à-dire ils sont pas du tout représentés. Donc, c'est pour ça qu'on sait déjà que je pense ça va mal se passer. Mais Benzema avait été rappelé de force pratiquement par Macron, qu'il a imposé. Il y avait un jeu bizarre d'ailleurs avec Zidane, j'en ai déjà parlé, parce que Zidane veut la place de Deschamps, donc il y a des rapports de force en interne. Et on a imposé en fait Benzema pour des raisons purement politiques, de gestion des masses, à Deschamps, c'est clair et précis. Et en fait, mais il parce a... que le foot maintenant, c'est uniquement de la politique. Hein. Moi, j'ai des gros doutes sur le fait, une fois de plus, que la France gagne comme ça. Je pense que c'est truqué, ces grandes compétitions internationales sont truquées. Déjà, il y a des gros doutes sur celle de 98. Ça a été quand même maintenant bien analysé. Il y a des déclarations de Platini sur le fait qu'ils ont triché sur les matchs de poule pour savoir qui serait dans quelle poule. Et bref, d'autres s'étaient quand même posé des questions. Un des anciens gagnants s'était posé des questions dans les années 2000, je sais plus qui c'était exactement, mais bref, un des anciens de l'équipe de 98, il disait est-ce qu'on a vraiment gagné, je sais pas si c'est Samuel Petit qui avait dit ça peut-être. Non, je crois pas que c'était Emmanuel Petit, mais Samuel. Je sais plus, mais en tout cas il y a des gros doutes sur celle de 98 qui est quand même le germe de cette de ce monstre, ce bulldozer antiraciste qu'est la Coupe du Monde. Parce que c'est vraiment la première où on nous a sorti l'affaire Black Blanc Beurre, on est tous égaux, la France multiraciale unie autour de son équipe. Et depuis aussi, ils se sont rendus compte que ça crée des moments d'euphorie nationale. Voilà, les Blancs sont très, très, très contents quand leur équipe de nègres gagne. Et donc, c'est quasiment systématiquement utilisé. Et c'est quasiment disons, l'atmosphère est morose quand l'équipe de France perd. Alors, je me souviens en 2006, après le coup de boule de Zidane, c'était la catastrophe. Les gens tiraient des têtes de 6 pieds de long. En 2010, avec le fiasco de l'Afrique du Sud, c'était le vraiment là on se posait des grosses questions en France. Qu'est-ce qui se passe, on comprend pas. Et bon, non, maintenant, on faisait semblant de pas comprendre plutôt. Hein. Oui. Et là, depuis, donc il y a eu la Russie. Je crois qu'il y a eu l'euro aussi. Enfin bon, avec Macron, ça gagne systématiquement. Alors, est-ce que dans les 800 milliards ouais. que Macron a emprunté, il n'y a pas quelques milliards qui se sont perdus dans les poches de la FIFA et des bonnes personnes dans les bons pays? On se demande, parce que de l'autre côté, quand on regarde d'un côté, là il y a la France-Maroc, mais de l'autre côté, c'est Argentine-Croatie. Donc, c'est du white, du blanco, ce qu'en dirait l'autre. Et j'ai envie de dire, c'est ça la vraie coupe des gens qui trichent pas. Et nous, on est du côté de la coupe des gens qui trichent avec des nègres et des bicots. Pour apporter de l'eau à ton moulin, il y a eu des descentes de police au Parlement européen. Je sais pas si t'as suivi ça. Il y a une vice-présidente, une vice-présidente grecque, socialiste grecque, une belle femme d'ailleurs. Un peu surprise, c'était une très belle femme. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut le souligner. Non, mais il y a du bon résidu racial en Grèce. Hein. Il y a une invasion ottomane, mais visiblement. Tout à fait. Donc, c'est une très belle nana, il n'y a rien à faire. Mais qui devait avoir des factures de manucure absolument horribles. Et donc, qui a jugé utile de tremper dans un truc. Alors, c'est quand même une vice-présidente du Parlement européen. Il y avait, je crois, un gars qui était un autre cacique du Parlement européen, qui était membre d'une organisation de lutte contre la corruption, qui a eu une descente de police dans le cadre de la même affaire. Là, c'était cette semaine. Chez lequel on a trouvé 500 000 d'euros en cash. Enfin, ils ont trouvé des mallettes partout. Alors, pourquoi je parle de ça maintenant? Eh bien, parce que c'est de l'argent qu'ils auraient reçu du Qatar pour influencer les votes au niveau du Parlement européen à gauche et s'assurer qu'un certain nombre de résolutions ne soient pas votées, etc. Bref. Donc, il y a eu de la corruption active parce que, vous savez, il y a une campagne, une campagne très hostile au Qatar sur le thème des anus, en fait. Hein, voilà, des anus, parce que visiblement, c'est existentiel. Bon, il y aurait de quoi dire. Et en fait, ces eurodéputés socialistes européens, bien évidemment, hein, soucieux des droits de l'homme, des grandes causes, ne sont pas restés indifférents aux énormes valises envoyées depuis l'émirat du Qatar, d'autant qu'ils sentaient le couscous, donc je pense que ça a dû les convaincre. Et le problème, c'est qu'ils se sont fait serrer. Alors pourquoi on a décidé de les prendre sur le fait ce coup-ci? Parce que n'en doutez pas un instant, les valises de pognon circulent tout le temps au Parlement européen, pas spécifiquement par rapport à la Coupe du Monde, surtout en toutes circonstances. C'est-à-dire que le Parlement européen, c'est le temple de la corruption. D'une manière générale, tous les parlements sont des temples de la corruption. Tous les systèmes parlementaires sont corrompus jusqu'à l'os. Voilà, vous vous faites élire. Pourquoi tous ces types se battent pour être au Parlement? Parce que vous vous demandez, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Mais ça sert à ça, c'est une fois que vous êtes élu, vous rentrez dans tous les mécanismes de corruption, de blanchiment d'argent. Et c'est quand vous ne filez pas droit que vos petits copains vous balancent et que vous prenez une procédure dans les dents. Mais tant que vous êtes protégé par le système, il ne se passe rien. Et nos amis du Parlement de Bruxelles, socialistes, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché la colère, je ne serais pas d'ailleurs totalement étonné que ça soit lié à une histoire de livraison de gaz, car vous savez que l'Europe a besoin de gaz depuis qu'elle s'est privée de manière suicidaire du gaz russe, qu'il faut du gaz liquéfié, et que le Qatar a décidé de vendre le sien aux Chinois, et pas aux Européens. Donc il faut toujours voir que les grandes campagnes d'agitation sur le climat, l'écologie, les droits de l'homme, cachent souvent quelque chose d'autre. C'est des représailles. Donc je pense qu'il y a au niveau énergétique des représailles contre le Qatar, il y en aura aussi sous une forme ou une autre contre l'Arabie Saoudite, car je vous rappelle qu'ils avaient essayé de convaincre ces États de ne pas s'associer avec les Russes pour fixer, dans le cadre de l'OPEP+, c'est le format en question, c'est l'OPEP+, la Russie, et quelques autres pays, pour fixer un prix minimum, de l'énergie. Une production. Pas réduire la production en deçà d'un certain seuil, donc ne pas participer à l'étranglement de la Russie, le calcul des pétromonarchies du Golfe étant qu'ils seraient les suivants, parce qu'ils ont bien compris que le programme vise à éradiquer la consommation même de gaz et de pétrole tout court en Europe, hein, dans le cadre du Great Reset. Donc, ils savent bien qu'ils sont les suivants. Donc, hors de question de prêter la main. Donc, c'est aussi ce qui explique, je crois, en partie, la campagne de haine actuelle. Probablement, il y a quelques socialistes qui n'ont pas clairement compris la situation, qui ont dit, bon, bah oui, voilà, on va aider les Qataris, ils filent du cash, ok, d'accord. Et là, le marteau est tombé, parce que il y a des embrouilles sur le gaz, c'est stratégique. Changement de cap, les Qataris jouent pas le jeu, représailles, et vous les petits gars là, il fallait écouter, voilà, vous avez refusé la discipline de groupe, et ben maintenant vous êtes châtiés. Et là, miracle, la police belge débarque chez les vice-présidents du Parlement européen, etc., etc. Voilà, pour moi, hein, bon, ça c'est une piste, je vous dis pas que c'est ça qui s'est passé, mais pour moi c'est une piste qui me paraît très probable. C'est des représailles contre des gars qu'on pas joué collectif, en gros, quoi. Ouais, après, n'ayez pas peur, hein, si vous vous en faites pour ces représentants du peuple élus, hein, au niveau du Parlement, socialistes de surcroît, ça sera étouffé, hein, c'est un carton jaune, voilà, un petit carton jaune, voilà. Bon, après, les copains, ils vont rentrer dans la danse, ils vont dire, oui, mais quand même, mes trucs, voilà, il y aura un procès, on dira, c'est très grave, hein, voilà, alors, vous prenez un an de prison avec sursis, hein. Il ne faut pas le refaire, hein. Voilà, hein. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, donc, parce que bon, je dis, pourquoi je m'arrête aussi là-dessus, c'est parce qu'il y a eu quand même une campagne contre la Coupe du Monde, en fait, quoi. Et donc, vous avez vu là, la ministre de Macron qui est allée faire, putain, là c'est une Roumaine. C'est pour vous. Parce que, je dis, pourquoi je précise ça? C'est parce que, en fait, les gens qui dirigent la France, c'est même plus des Français. Ah non, ça fait un moment maintenant. Ah oui, non, mais c'est plus des Français. Je veux dire, c'est même plus des traîtres de machin, quoi. Oui, Macron, quoi, à l'exception d'eux, quoi. Mais sinon, c'est des pièces rapportées. Le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, vous avez vu ce que c'est? C'est un machin du Liban avec un faciès à faire peur aux enfants, quoi. Je veux dire, tu sais pas d'où ça sort du Liban, c'est là, c'est à la tête du ministère, ça gère un budget de 10 milliards, et c'est quoi le ministère de la Culture? C'est acheter les journalistes, acheter les producteurs de cinéma, acheter les patrons de presse, acheter les starlettes, etc. Voilà, c'est distribuer du pognon à droite à gauche, les artistes tailleux dans les villes à droite à gauche, voilà, pour dire du bien de Macron, hein, ni plus ni moins. C'est de la corruption, c'est Mitterrand qui a mis en place ça avec le juif Jack Lang, et là c'est carrément de la gestion coloniale aussi, quoi, hein, voilà. C'est donc, t'as une Libanaise qui a la main sur 10 milliards et elle distribue ou pas, voilà, une ministre de la culture française. Bon, voilà, c'est pas une Française pour commencer. Le sport, c'est pareil, c'est une Roumaine, ok. Et elle va là-bas et elle fout son. Elle affiche les couleurs arc-en-ciel des PD. Ah, ça. Non, mais pour dire, en fait, c'est juste, tu vois, simplement pour être d'accord, parce que Macron a dit, faut pas politiser le sport, sous-entendu. Faut pas ramener ces histoires PD à tous les étages, parce que sinon, comme on a quand même une chance de la gagner, ça risque de ternir, en fait, l'effet positif que je veux retirer de ma Coupe du Monde. Ok ? Ah oui, mais du coup, le lobby des PD, il est pas content ? Ah merde, comment on fait? Bon, bah alors j'envoie ma sous-ministre foutre un truc arc-en-ciel et comme ça sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, on est courageux quand même, hein, voilà. Hein, et regardez, les Qataris, ils baissent les yeux. Hein, ouais, on est quand même les patrons, quoi, voilà. Vous voyez les calculs de boutique Ouais, mais il faut aussi savoir que le Qatar arrose la France, enfin les politiciens français depuis des années, des décennies même. Sous Sarkozy, il me semble que c'est Fillon qui avait fait voter ça, des aménagements fiscaux pour les investissements au Qatar, qui fait qu'ils étaient défiscalisés par exemple sur l'impôt sur la fortune. Donc toi, t'es bon français, t'as hérité d'un château que ta famille a tant bien que mal entretenu, acheté et fait des rénovations, fait des aménagements. Tu payes l'impôt sur la fortune parce que tu es un bon goy, un bon débile. Par contre, le Qatar, il arrive avec ses mallettes de cash, il achète une cinquantaine de politiciens, et puis c'est bon, on leur fait tout un tas d'aménagements. Donc, encore une fois, comme aussi on a laissé, on a laissé couler le fait que les Français n'allaient pas porter le brassard anal, là, ou je ne sais pas quel leur pin anal, et ben ça m'étonnerait pas que c'est parce qu'on ne veut pas vexer les Qataris qui sont très généreux avec les politiciens français, C'est évident. et ce depuis des décennies. Donc toute cette histoire pue, de toute façon, cette Coupe du Monde. Plus l'anus, Moi, oui. j'ai pas du tout suivi l'aspect sportif, Moi non plus. mais tout pue, que ce soit politiquement, culturellement, intellectuellement, c'est catastrophe une fois de plus. Donc, Bah, sportivement, Giroud est devenu meilleur buteur français de tous les temps devant Thierry Henry. Bon. ouais, mais c'est déjà décidé que Mbappé allait être le nouveau. C'est réglé. C'est déjà décidé ça. Ah oui, ouais. J'ai vu ça. Ouais. Ils ont dit non, non, mais c'est bon. Je suis les journalistes hein, qui étaient très mécontents et ils disaient oui, d'accord, mais bon, c'est juste une question de temps avant qu'Mbappé soit le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Voilà. Donc, non, voilà, c'est non, oui, bon. Oui, il y a eu une campagne de dénigrement contre Giroud. Bah oui. Ah, le nom dit, c'est bien évidemment que c'est en raison de sa couleur de peau, mais bien évidemment, ils ne vont pas mentionner la véritable raison du dénigrement. Et donc là, ils sont écœurés, quoi. Il y Qu'il a est blanc et qu'il revendique son, ce, en fait, son, qu'il soit blanc et qu'il chrétien est pratiquant. ouais et qu'il ait surmonté en fait cette campagne de dénigrement contre lui. C'est-à-dire que lui, il a un état d'esprit positif dans le sens où, par exemple, quand Benzema l'avait remplacé et que Benzema marquait des buts, lui, il était sur le banc de touche en train de se réjouir parce que l'équipe de France marque des buts. C'est-à-dire qu'il est dépourvu Bah, de comment dire. c'est-à-dire qu'il c'est un conte gaulois. Bah, C'est ça en fait, c'est tout le en problème, fait, c'est-à-dire que le conte gaulois, il est sincère dans son truc, tu vois ce que je veux dire? Il est oui, sincère dans son patriotisme. il a la naïveté, oui. Voilà, c'est Mais ça. d'une certaine manière, quand tu cohabites avec une équipe où il y a plus d'Africains que Oui. de Blancs, lui, il est quelque part, il a le cul entre deux chaises, sinon il n'est pas sélectionné. Hein, Ah si... non, mais moi je suis Ouais, pas en train de mais. te dire qu'il devrait ruer Ouais. dans les brancards et dire qu'il doit. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, tu vois, le fait de jouer le jeu, c'est comme les gens qui payent leurs impôts, tu vois, et qui disent je fais confiance à la justice de mon pays, tu vois. Voilà, donc ça, c'est des gens, ils n'ont rien compris de leur pays, justement, quoi. Parce que si, déjà, parce que tous les autres, Le mieux ils payent pas leurs impôts et ils savent que la justice est truquée, quoi, je veux dire. Ouais. c'est ceux qui disent qu'ils sont contents de payer beaucoup d'impôts parce que ça veut dire qu'ils gagnent bien leur vie. Alors, souvent, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont à l'étranger. Hein. Ça, c'est. Alors, déjà, tu prends tous les acteurs qui ont toujours quelque chose à t'expliquer. Il y en a marre du racisme, il y en a marre du ceci. Pourquoi vous faites pas vacciner ça? Tu regardes tous les blazes, où ils vivent, ils sont tous à Los Angeles, à Genève. Enfin, c'est toujours le même cirque, quoi. Tu les vois défiler. Et voilà, quoi. Je veux dire, et tu peux faire le tour, tu peux faire le tour. Hein, ils sont tous comme ça, là. Patrick Bruel, vous avez vu, là? C'est bah, bon. Je tire sur l'ambulance, mais bon, il a dégueulé sur les gens qui se sont fait vacciner. Et là, il sort son nouvel album, bon, dont la qualité artistique, mais bon, pas besoin pas besoin de voilà. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un gros ressentiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait piquer, mais sous la contrainte, parce qu'ils se sont sentis obligés d'eux, mais qui n'étaient pas enthousiastes, et qui ont quand même relevé les gars qui mettaient des coups de pression. Comme des gens comme Bruel, je veux dire. Donc, et là, bah, il a été obligé de s'excuser. Évidemment, ce n'est pas des excuses sincères, mais il a senti la pression. Il a sorti son album, il a vu qu'il y avait un gros bad buzz au moment de la sortie de son album, c'était il y a 10 jours, hein, 15 jours, même pas. Il a senti que ça se passait mal, il a été obligé de dire, voilà, oui, je ne sais plus comment il a tourné ça, quoi. Il a dit, voilà, je m'excuse la façon dont j'ai dit ça, etc. Voilà. Et c'est. Mais c'est que quand ils se font. quand ils se font coincer, quoi. Voilà, les mecs comme Omar Sy, tous ces mecs-là. Bon, tout ça, c'est des étrangers, hein, mais il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas que. Il y a l'autre, là, comment il s'appelle, là, le... Ah, il lèche le cul de Macron, mais lui, carrément, en public. Je veux dire, c'est du le... Jardin. Non, oui, enfin, c'est pas lui dont je parle. Bon, je l'aime pas beaucoup, mais c'est autre chose. Non, non, c'est pas lui, c'est Cluzet. Qui a fait qui a fait un film avec Omar Sy, donc le fameux film là qui s'appelle comment là, il y a eu jour, là les intouchables. Ouais, intouchables. Et vous l'avez vu quand Macron a été réélu, il était à l'Élysée, il était parmi les invités, il était là, mais c'est la cour, on était à Versailles, quoi. Hein. Alors bon, il avait quand même moins, enfin je veux dire, c'était pas Louis XIV, hein. Bon voilà, parce que c'est Macron, quoi. Mais ils étaient tous là, mais pareil, quoi, les courtisans, ils étaient tous là, c'était stupéfiant, quoi. Il y avait Cluzet, c'était le plus repoussant du lot, quoi. Le plus repoussant du lot. Ces acteurs, c'est des bouffons du roi. Ils peuvent être faits ou défaits par un monarque. Donc, forcément, ils lèchent les bottes du chef en place, en espérant qu'il aura les bonnes grâces et que le ministère de la Culture accordera les bons crédits, le CNC accordera les bons crédits, tout ça, de toute façon, c'est la marque d'un système culturellement soumis à l'État en place. Tout à fait. C'est pareil dans le fonctionnement d'ailleurs du ministère de la Culture et de tous ces artistes aïeux là, est le même dans la Fédération Française de Football. Hein. C'est évident que c'est extrêmement politisé. Le Gret, je me pose toujours la question de savoir ce qu'il fait là. Il a souvent donné des marques de soumission à la présidence de la République, quoi, qui sont... Je veux dire, bah, s'il n'y avait pas de mélange des gens, voilà, t'as une fédération sportive, elle fait son travail, point barre. C'est pas qu'elle doit manquer de respect aux autorités constituées. Enfin, je veux dire, il y a une distance. Voilà, une distance. Et là, c'est là. D'où tous les calculs d'arabes-boutiques sur les Arabes avec Benzema, Zidane. Parce que Zidane, c'est évident que Macron veut le coller sélectionneur. C'est évident, c'est clair. Parce que n'oubliez pas que c'est un rapport de force. Et là, ça me permet d'enchaîner sur ce point-là. Les Algériens savent ça. C'est-à-dire que les Algériens, contrairement aux Juifs, ont assez peu de parcelles de pouvoir en France. Ils sont très nombreux, mais leur qualité individuelle est faible. Donc, ils sont mal organisés, peu organisés, ils restent au plus bas de l'échelle sociale, même si ça fait 50 ans qu'ils sont présents en France, ou bientôt 60 ans pour certains. Et donc, leur capacité d'influence est très restreinte, contrairement aux Juifs. Mais il y a un domaine où vraiment ils ont un vrai poids, c'est le domaine du football. Qui est pratiquement le dernier truc, si vous voulez, qui a un caractère national en France. Parce que sinon, sur tout le reste, les gens sont à deux doigts de vouloir s'entrégorger. Hein. Franchement, hein. En France, c'est ça. Hein, je veux dire, c'est à mon sens, en tout cas. Donc le dernier truc qui ressemble à un truc national... Je vais même pas mettre le 14 juillet là-dedans parce que bon, je crois que peut-être le feu d'artifice du 14 juillet, ouais, à la limite. Ouais. Mais sinon, ouais, il reste les matchs de l'équipe de France, quoi. Donc c'est très stratégique. Et il y a tellement d'Arabes dans les stades, y a tellement d'Arabes chez les supporters, les commentateurs sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils consomment du foot à outrance, quoi, les Maghrébins, quoi. Je veux dire. Il n'y a pas que eux, mais massivement, quoi. Donc, avoir un sélectionneur algérien comme Zidane à la tête de l'équipe de France, plus quelques joueurs emblématiques maghrébins sélectionnés par Zidane dans l'équipe de France, c'est s'assurer du soutien politique de ces millions de Maghrébins. Au moins le temps de ces événements-là, vous voyez ? Et de donner l'illusion d'un pays unifié, d'une société non fragmentée. C'est ça le calcul. Le truc, c'est que tu ne sais pas qui a l'avantage, qui a l'ascendant. Est-ce que c'est les Algériens qui imposent leur sélectionneur ? Ou est-ce que c'est le chef de l'État qui accorde le poste de sélectionneur à l'intéressé par le jeu de la fédération, etc. Enfin, par biais détourné, mais quand même. Et là, ben, je pense que ce qui va se passer là, vu que Benzema, ça joue un rôle, Benzema n'est pas sur le terrain. Donc les Maghrébins algériens ne peuvent pas s'identifier à l'équipe de France. Ça, c'est clair. En revanche, ils peuvent complètement s'identifier au Maroc. pour des raisons évidentes. Même s'il y a une forte tension entre l'Algérie et le Maroc pour des raisons territoriales autour du Sahara occidental, etc. Bon, ça, c'est une autre question. Mais il y a quand même des tensions très fortes entre Marocains et Algériens. Donc là, comme il n'y a pas de Maghrébins dans l'équipe de France, si... je serais curieux de voir la réaction. Alors, je vous pose la question, avant qu'on conclue sur ce sujet. Qu'est-ce que vous préférez voir? Vous préférez voir qui l'emporter? L'équipe de France ou l'équipe du Maroc? Qu'est-ce qui est le plus souhaitable d'un point de vue d'un blanc assiégé par les métèques? Bah, est-ce que le critère, c'est la blancheur de peau? Parce que si on fait la teinte de l'équipe de France, on est peut-être plus foncé que la teinte des Marocains. Donc, bon, ça, parenthèse. Moi, mon avis, bon, il y a quand même des blancs dans l'équipe de France. Bon, alors pour eux, j'ai quand même une préférence pour que ce soit la France qui gagne. Mais ce sera d'ailleurs l'occasion de voir si les Marocains perdent les conséquences sur les Champs-Élysées. Donc, bon, voilà. Oui, parce que toi, ce que tu m'as dit très tôt, tu m'as dit en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura beaucoup, indépendamment du score, il y aura de toute façon beaucoup plus de gens à drapeau marocain sur les Champs-Élysées que de gens à drapeau français sur les Champs-Élysées. Enfin, t'aimerais voir ce qui va se produire. Ça. En fait, je suis curieux. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais admettons que ça se passe, ce serait quand même très marquant, en fait, de voir plus de Marocains qui perdent célébrer. Être allé quand même jusqu'en demi-finale, parce que même s'ils perdent, ils peuvent célébrer leur équipe. Et donc ce serait quand même marquant, ce serait significatif de constater ça. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer en réalité, il y aura peut-être quand même plus de Français sur les champs mercredi soir. Mais bah, y a un truc qu'on a remarqué, c'est que, en tout cas, pour la dernière journée qui a eu lieu, quand les Marocains ont gagné, il y avait beaucoup plus de Marocains sur les champs que de Français sur les champs après la victoire des Français contre les Anglais. Après, vous me direz, bon, il était 22h quand le match s'est fini pour la France, tandis que c'était le milieu de l'après-midi pour les Marocains, donc c'est peut-être ça aussi qui explique. Mais à mon avis, si les Marocains s'ils avaient terminé leur match à 22h, ils auraient été très très nombreux sur les champs. Et je crois pas qu'on a vu des scènes de liesse pour la victoire des Français. Donc déjà, c'est... Non, les Champs-Élysées, c'est pas fait pour les Français. C'est évident, ça. c'est les champs marocains. Depuis les Gilets jaunes, on l'a compris, ça. Hein. C'était pas fait pour eux. Hein. On leur a bien expliqué que ils étaient pas les bienvenus. Jean, tu vois ça comment? Qu'est-ce que t'as une préférence? T'as un scénario? Je veux que la France perde. Je veux voir cette équipe de tirailleurs sénégalais au tapis. Je veux Macron et son sourire débile, son ricanement cesser, qu'il soit là. Je pense qu'on va gagner 3-1 là aujourd'hui. Puis effectivement, on gagne 3-1. Enfin, l'équipe de France gagne 3-1. Je veux que ça cesse toute cette histoire. Mais bon, je pense que la France va gagner parce qu'à mon avis, c'est pour des raisons de politique intérieure, et la France est un des chevaux de course de Davos, donc il faut que ça aille bien en France. Le Maroc, on s'en fout, si le Maroc perd, ils vont tout casser, les assurances vont rembourser, et puis terminer, c'est soldé. Alors que si la France perd, c'est politiquement plus compliqué. Déjà que c'est pas facile avec les problèmes énergétiques, c'est pas facile avec les conséquences lourdes de la guerre en Ukraine qui commence à se faire sentir. Donc là, c'est différent. Donc à mon avis, la France va gagner. Je suis quasiment prêt à y mettre. Ouais, mais là, tu sous-entends que il y aurait une sorte de tricherie politique. C'est oui. Un peu... mais moi, je dirais, il y a quand même... ça a ses limites. La tricherie, ça existe, mais en face, faut corrompre les adversaires. Des Marocains, tu leur files des biftons, tu leur files un peu de cannabis, et puis c'est plié. Ils vont pas jouer. Après, en finale, faut aussi corrompre l'équipe de Messi. Faut le faire quand même. Enfin, non, mais en finale, c'est un peu différent. Si la France perd en finale, c'est un peu différent parce que j'ai envie de dire bon deuxième, les gens peuvent s'y faire, ils seront contents au moins, et puis ils auront eu une finale, tu vois, parce que là, s'ils passent pas la demi-finale, on les prive du spectacle de voir leur équipe en finale. Mais là, au moins, ils auront eu le spectacle, s'ils perdent, ils peuvent toujours se dire bon perdant, on a gagné la dernière, on peut leur laisser celle-ci, et ainsi de suite. Alors que s'ils perdent en demi, c'est différent, en plus face au Maroc, qui est quand même Ah, pas ouais. historiquement une grande nation du foot, il me semble, après je suis pas un spécialiste. Après, bon, bah, moi, pour la tricherie, bon, ça existe, mais bon, je dirais ça à ses limites. Mais néanmoins, pour te rejoindre quand même, je pense que la finale 98, je trouve que sur deux des quatre buts de la France, les deux tirs de loin de Pogba et de Mbappé, le gardien croate ne se déploie pas. C'est-à-dire que il ne tend pas ses bras pour essayer d'arrêter. 2018, tu veux dire? Ah oui, j'ai pas dit 2018. Oui, T'as dit 2018. Ouais. 98. Oui, 2018, exact. Je trouve qu'il ne se tend pas au maximum pour arrêter deux des quatre buts. Donc, j'aurais Oui, tendance à te rejoindre sur la finale, mais sans certitude. le Brésil en 98, il y a des actions, c'est délirant. Des joueurs français pas marqués, la défense brésilienne qui suit pas. Enfin, quand tu regardes une analyse, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il y a même une séquence où on a l'impression que les Français et les Brésiliens se font des passes, qu'ils sont en train de s'échanger la balle, et puis derrière, il semble que c'est Trezeguet qui met un but. Enfin bon, je me souviens plus exactement des termes, mais moi, depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bah, le verre est dans le fruit. J'ai regardé quand même un certain nombre de matchs de foot, je dirais pas beaucoup parce qu'il y a des mordus qui regardent tous les matchs, mais je me suis quand même fait la réflexion plusieurs fois que j'ai l'impression que ça jouait pas parce que pour une raison X ou Y, on a eu l'impression que le résultat tel qu'il était, il y avait 1-0 ou un truc comme ça avait l'air de convenir aux deux équipes et que ça s'était arrêté de jouer alors qu'on les avait vendus le spectacle, les belles équipes et ainsi de suite. Et finalement, non, ça marche pas. Donc, moi, j'ai l'intuition. Après, j'ai pas de preuves, évidemment. Je suis pas dans les petits papiers de la FIFA et de tous ces gens, mais j'ai l'intuition que tout ça, c'est du spectacle pour gogo et que il y a des résultats prévus à l'avance qui doivent advenir. Alors, on se débrouille ensuite sur le terrain pour que ce soit le cas. Et ces gens sont suffisamment payés cher pour qu'on puisse acheter leur silence et que, enfin, et puis ils ont même pas besoin de tous d'être d'accord d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir que quelques défenseurs qu'on paye pour pas faire leur boulot correctement, et puis c'est réglé. Ça fait, disons, ça fait illusion. Donc, on verra, mais je pense que la France va passer et que le Maroc, de toute façon, c'est pas important qu'il soit en finale. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va voir ce qui va se produire. Moi, je pense que indépendamment du vainqueur, je veux dire, il y aura de la casse, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, je serais friand d'une victoire du Maroc, qui me paraît improbable hein, sur le papier, je veux dire. Mais bon, on verra. Mais ce serait intéressant parce que là, on aurait donc effectivement l'équipe. Cette équipe d'Afrique là hors jeu déjà bon comme tu l'as bien dit voilà voilà c'est plié on oublie et surtout d'avoir les Marocains qui foutent le bordel partout en France les Maghrébins d'une manière générale et qui déversent du sel sur les plaies des Gaulois déçus tu vois et là ça serait vraiment bien parce que ça nous mettrait dans de bonnes dispositions pour l'année 2023 tu vois ça serait pas mal tu vois pour déjà pour rendre un peu plus amères les fêtes de fin d'année. Tu vois, que ça fasse un peu causer quand même dans les repas de famille, tu vois, avoir des gens qui disent ah, ouais, quand même, hein, c'est sale bougnou là. Tu vois, ça, je Bah, suis cette histoire, c'est de la dynamite là. On est assis sur une dynamite, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en Belgique, ça va être puissance 10 en France. Ça va être, c'était ju juste à Bruxelles quand ils ont vaincu les Belges, les Marocains. En plus d'être accueillis chez les Belges, ils saccagent tout lorsqu'ils les battent. Donc là, ça va Ah être bah la encore pire. gratitude maghrébine, Voilà. c'est une vertu reconnue internationalement, hein. Bah, c'est comme ça qu'on dit merci au Maghreb. Voilà. Ouais. Non, mais là, ça serait vraiment. Ouais. Moi, je suis assez preneur d'un tel scénario, mais c'est vrai qu'il, c'est pas le plus probable, hein, je veux dire, parce que bon. En plus, ça cause beaucoup, hein, pendant les fêtes, en famille, Ah bah donc. oui, forcément, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas envie que Macron, moi, il ramène sa Coupe du Monde. Mais bon, la dernière fois, il l'a ramené, tu vois, c'est ça qui est pénible, quoi. Il aura au moins sa finale, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Tu vois, tiens, vas-y, ouais, ok. C'est pénible, il est pénible. Cet homme est vraiment pénible, quoi. C'est trop facile, quoi. C'est comme avec le Covid, ça s'est passé relativement facilement pour lui, quoi. C'est tout le temps trop facile, quoi. C'est voilà, donc je souhaite davantage de difficultés quand même. Voilà, voilà pour ça, voilà ce qu'on peut en dire. Bah on a encore 4 ans et demi avec lui, hein, et peut-être plus. Peut-être là, j'ai l'impression que c'était le deuxième mandat qui touchait à sa fin, tu vois. C'est pour te dire si c'est long, quoi. Raffarin est en train de militer pour qu'un renouvellement soit possible. Il veut changer une loi ou la constitution, je sais plus quoi. Et j'ai appris aussi que si, pour une raison X ou Y, il venait à démissionner durant son quinquennat, ça pourrait lui permettre de se représenter. D'accord, donc il démissionne 3 jours avant et c'est bon, quoi. Oui, il démissionne pour un procès, par exemple, pour affronter un procès, soi-disant. Et puis ça lui donnerait là. Il démissionnera pas. Il fait planer ce doute depuis quelques temps là, depuis le Covid. Il a pas l'intention de démissionner. Ce type se traîne des casseroles, une gestion catastrophique de tout, et il est toujours là avec son Darmanin là, qui fait que des gaffes, qui ramène des problèmes du monde entier. Et c'est bon, ça tient. Il va pas démissionner. Par contre, moi je sens bien qu'ils vont essayer de nous remettre le septennat plus un prolongement. Là, on va avoir Macron jusqu'en 2034, ça va être sympa. Hein. Non, mais ça, je l'avais dit dans l'émission en 2020, avant l'occasion de la présidentielle 2022. Vous avez dit ils vont remettre, ils vont abolir la limite des mandats. Parce que si vous voulez, il peut pas y avoir d'après Macron. C'est pas possible. Il n'y a pas de plan B. C'est la bête finale. C'est comme le Pokémon. On a fait toutes les évolutions. On est parti de relativement basique. Et là, on arrive à un truc final. Et oui, effectivement, il n'y a plus d'autres versions. C'est fini. Après, ils ne peuvent plus aller plus loin. Peut-être que sa femme peut se représenter. Un peu comme Michelle Obama. Non, mais je veux dire. Sa femme. On voit bien qu'il n'y a pas de relève, je veux dire, même dans son équipe gouvernementale, il n'y a pas de mecs qui ont d'aura ni rien, donc ça prend pas, donc on le sait. Donc même si la caste voudrait dire, bon voilà, il a fait deux mandats, il faut trouver un autre gars, etc. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est lui qui a mis en place le système, si vous voulez, le système géré au centre. Là, vous prenez tous les opportunistes de gauche et de droite, du centre, et vous en faites une structure, et voilà, et donc si vous l'enlevez lui, qui va unifier ce poulailler? Personne. Si vous voulez, y a pas le... Voilà, puis il correspond trop sociologiquement à la caste qu'il représente, je veux dire. Moi, ce que je veux pour qu'il ait les bâtons dans les roues, c'est que le scandale Jean-Michel Trogneux lui explose en pleine figure. Non, mais alors ça, il retourne ça comme une crêpe. Non, alors ça, si tu crois que ça jouerait contre lui, pas du tout. Hein. Non, non. Ouais, mais on peut imaginer par exemple les documents de la chirurgie esthétique de Brigitte. Non, mais c'est bidon, ça me prouve rien, ça ne prouvera jamais rien. Je veux dire, tant que t'as pas Brigitte en tenue d'Ève ou d'Adam, ça dépend, sur les Champs-Élysées, si tu veux, personne n'y croira jamais. Même si tu l'avais, non, mais ces images incrustées, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un sosie. C'est bon. Donc laissez tomber, c'est... Tu vois. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, ok. Donc les supporters de Macron, c'est Dieu le Père, ils le suivront jusqu'au bout. Donc voilà. Puis il n'a pas vraiment d'opposant, parce que Marine Le Pen, c'est pas vraiment une opposante. Donc non, vraiment. Donc je pense que oui, prolonger le truc. De toute façon, il suffit une situation de crise, hein, dire ouais, mais c'est un moment exceptionnel, rendez-vous compte. Je sais pas, état de guerre ou machin avec l'Ukraine, le truc. Ah, c'est trop grave, on peut pas se permettre de se tromper. On va pas maintenant s'égarer alors qu'on a un chef en situation reconnu internationalement. Tout le verbiage est déjà prêt. Tout ça, c'est préparé dans des tiroirs. Ouais, aux États-Unis, ils lui ont dit qu'il était le chef d'État européen le plus chevronné. Quoi ? Bah oui, parce que les autres sont fraîchement réélus ou fraîchement élus, quoi. Scholz, il vient d'arriver, on le connaît pas. En Italie, Meloni, c'est dégonflé. Je sais pas, il y a des gens qui ont essayé de nous vendre ça. Bah les mêmes gens qui ont essayé de nous vendre Zemmour, d'ailleurs. Bon, ouais, ça fait quelques mois maintenant. Bon, il se passe quoi? Bon, voilà, elle file des armes aux Ukrainiens. Voilà, bon, à part ça, il se passe rien. Voilà, ok, on oublie. En Espagne, bon, ben, c'est socialiste. Donc, on s'en fout, quoi. Et comment dirais-je, au Royaume-Uni, ils ont le chieur de rue, là, qui a un pingouin complet, parce que lui, c'est une créature complète de Davos, d'ailleurs, hein, l'Indien, là, c'est un mec de... Il fait carrément partie des young leaders de Schwab, hein, avec Trudeau et toute sa clique, là. Donc lui, c'est carrément une créature. Lui, il a été mis là... c'est vraiment un pion, quoi. Il a vraiment pas... il peut même pas prétendre être un politicien blanchi sous le harnais qui pourrait être une créature de la finance, parce qu'il ne peut pas y avoir, par définition, de Premier ministre britannique qui ne soit pas une créature de la finance juive internationale, mais qui pourrait s'être hissé à force de confrontation avec des concurrents jusque à la tête du gouvernement. Alors lui, c'est carrément un accord de couloir. Des gens de Schwab, des banquiers et tout, il a été mis là. Hein, je veux dire, c'était même pas le choix premier, hein, c'était Liz Truss le premier choix. Elle a duré un mois. Donc ils se sont dit, alors, bon, on va mettre celui-là, voilà. Il se passe rien. Donc évidemment, pour les Américains, ils sont là, ouais, bon, il est gentil votre hindou là, mais on en a rien à foutre, quoi. On sait très bien que c'est pas lui le patron, donc il est invisible. Il a un faux air de Papandiaï, en plus, ça ne le rend pas très sympathique, avec sa tête toute huileuse. Ouais, c'est pas génial. Donc c'est vrai que quand tu fais ça, bah, comme l'autre, il est là depuis 6 ans, bah voilà, il est, ouais, ok, on arrive à... Oui, mais ça laisse entendre qu'il est compétent, alors que même les Américains savent pertinemment que non. Après, par exemple, le deal avec les Australiens sur les sous-marins qui a été cassé, ils savent que Macron est une branque, et pourtant, ils viennent lui dire « Ah, vous êtes chevronné, monsieur Macron !» Ouais, mais après, c'est peut-être une façon indirecte d'insulter les autres Européens aussi, hein. Je veux dire, si tu dis « Ah non, Macron, c'est le meilleur d'entre vous », alors les autres se regardent comme des « Ah bon qu'est-ce qu'il nous insulte, là, ou quoi, lui, là ?» Ouais, il vous insulte, ouais, franchement. Même. Bah oui, regardez Nord Stream. Les Américains et les Britanniques qui font carrément sauter les approvisionnements gaziers des Allemands. Bon, ça vous donne l'état des relations germano-américaines, quoi. Hein. Je veux dire, ouais, ils sont alliés, quoi. Tu vois, ils sont alliés comme une pute à son macro, quoi. Tu vois, c'est-à-dire s'ils remettent pas le fric... prend une danse, c'est tout, quoi. Voilà, c'est donc en fait l'Europe, on est une colonie, quoi, c'est tout. Hein. Bah oui, on a été envahi en 45, voilà. C'est le stade final de l'envahissement de l'Europe en 45. Et les Russes qui faisaient partie du gang à l'époque, durant l'époque soviétique, bah ils essaient d'échapper à la machine, quoi. Et ça craint, parce que historiquement, ils étaient quand même à Berlin et à Vienne, hein, en 1945. Là, ils sont dans le Donbass. C'est-à-dire là où ils étaient en 1943. Donc c'est compliqué, hein, pour les Russes. Hein. Ils savent qu'ils jouent leur peau. Hein. Ils jouent leur survie, quoi. Donc c'est vrai que les Américains, du point de vue stratégique... Bah, ils se disent qu'ils ont tout bon, quoi. C'est un fait, hein, je veux dire. Là, ils sont... En Europe, j'entends. Ils sont au summum de leur ascendant. Absolument. Absolument. C'est indéniable. Et ils ont quelques points d'appui, quoi. En gros, l'Ukraine, la Pologne, la Grande-Bretagne. Voilà. Et ils tiennent l'Europe comme ça, quoi. Et... Ouais, tout le bloc de l'UE. Et voilà, le bloc de l'UE, bien sûr. Et à leur botte, de toute façon. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ils font tout ce que ces messieurs, les Américains, décident, y compris se saborder, oui, y compris se saborder économiquement. Se suicider. On va attendre avec impatience les étincelles de mercredi. On verra ce qui va se produire. Et d'ici là, eh bien, on souhaite une bonne semaine à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine. Bonne semaine, les camarades. À bientôt. À bientôt.